Bien, je propose, si vous êtes d'accord, que nous commencions. Bonjour à tout le monde. Donc c'est notre dernière séance de séminaire de l'année. Et pour cette dernière séance, nous sommes très heureux d'accueillir Aurélie Jantet. Aurélie Jantet est maître de conférence en sociologie à l'université de Sorbonne Nouvelle de Paris 3. Elle est membre du laboratoire CRESPA, donc équipe genre, travail, mobilité du CNRS. Et elle est aussi rédactrice en chef de la revue Travailler. Son domaine d'activité, c'est la sociologie du travail, activité, rapports sociaux, trajectoire, sociologie des émotions, on va en parler aujourd'hui, rapports subjectifs au travail, travail prescrit, travail réel, stratégie défensive et analyse socio-anthropologique des représentations sociales du travail, les médias en particulier, mais pas seulement. Donc elle a écrit de très nombreux articles, hein, je ne peux pas tous les citer, mais enfin entre quelques titres quand même très intéressant pour nous, en tout cas, c'est un choix, comme tous les choix, qui est évidemment un peu arbitraire, mais donc définition de l'entrée émotion dans un dictionnaire du travail, donc dirigé par Antoine Bévor et Michel Lallemand, article sur le regard d'une certaine sociologie du travail sur la subjectivité dans la revue Travailler, numéro 22 de 2009, un article aussi sur représentation des acteurs du travail et rapports sociaux de race, un article sur représenter le travail et un autre dans la revue Travailler toujours du numéro 9/2002, les émotions prescrites au travail. Le titre de sa conférence aujourd'hui est « Les émotions au travail, rouages ou grains de sable du capitalisme ». Donc je lui donne évidemment la parole, bon, on aura une heure, quelque chose comme ça, et puis on aura une bonne heure de discussion et de questions autour de cette conférence. Donc voilà, je lui donne tout de suite la parole et je la remercie bien sûr d'être venue parmi nous pour cette dernière séance du séminaire. Mon tour de vous remercier de m'avoir invité, l'occasion de reprendre un petit peu, déjà de venir un petit peu écouter d'autres collègues et puis de reprendre un petit peu le travail que je mène donc sur l'articulation entre travail et émotion. Alors moi, je vais avoir une approche très micro, hein, par rapport à moi, ce que j'ai pu entendre à d'autres topos. Ça va être beaucoup plus micro-sociologique, plus empirique et pluriel aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter sur une théorie, mais plutôt essayer de voir différents types d'articulation entre émotion et travail. Juste pour compléter quelques éléments de parcours pour que vous compreniez un petit peu mieux peut-être d'où je parle. J'ai commencé mes études par de la philo à Paris 1, mais alors c'est très loin maintenant. assez rapidement bifurqué en sociologie à Paris 7, puis à Paris 10 ici, où j'ai fait ma thèse avec Georges Van Guigui et Daniel Linhart. Voulu explorer la question du rapport subjectif au travail. Parce que donc, cette orientation de recherche, elle est née d'une insatisfaction que j'avais en lisant de la sociologie du travail qui parlait d'acteurs, hein, d'individus au travail, en termes d'acteurs ou d'agents, alors souvent un acteur stratégique qui agit au sein d'organisations dans le but d'accroître son pouvoir. Donc il y avait un peu quand même quelque chose dans l'école de la sociologie des organisations à la Crozier de très très univoque, hein, un petit peu comme motivation d'agir, hein, chez les individus. Ou alors un agent écrasé sous le poids de l'exploitation capitaliste, hein, l'ouvrier qui du coup est complètement pris en fait. Hein. Donc pas d'intériorité, enfin en tout cas moi je lisais, je trouvais peu de choses qui retraçaient une subjectivité. Hein. Dans ces approches et pas de corps non plus, pas de sexe, hein. Généralement on ne savait pas d'ailleurs si des ouvriers ou des ouvrières, hein, typiquement creusés dans le phénomène bureaucratique, les employés des chèques postaux, ce ne sont que des femmes, mais on ne le sait pas, hein. À aucun moment il y en est question, comme si c'était vraiment toujours l'ouvrier ou le travailleur neutre, hein. Donc encore moins d'émotions évidemment. Et parfois, plus étonnamment sans doute pour de la sociologie du travail, pas de travail non plus. Hein, de travail, en tout cas dans le sens d'activité. C'est-à-dire que là aussi, on ne sait pas ce qu'ils font. On connaît leurs fonctions, hein, mais vraiment, leur quotidien de travail, ce à quoi ils se confrontent dans le travail, qu'est-ce qu'ils font, on ne les voit pas travailler, on ne sait pas. J'avais à cœur d'investiguer ces dimensions subjectives, donc les rapports, les liens que les individus tissent avec leur travail, les résonances que ça a pour eux, Là, j'ai pas mal tâtonné, en fait. Hein, et j'ai emprunté plusieurs chemins. J'ai regardé du côté, alors, d'une part, du sens que les individus fabriquent à travers l'interactionnisme. On en parlait à l'instant avec Gilbert Pratt, notamment Hughes, qui m'a beaucoup plu. Et puis aussi les questions, les notions de représentation sociale, d'ethnométhode, de catégorisation aussi. Donc j'ai regardé dans cette direction-là. Un autre chemin, ça a été les histoires de vie. J'ai été formée à la dimension biographique, à l'analyse biographique par Isabelle Berthoviam, qui enseignait ici à Nanterre. Donc ça, ça fait bon, une espèce de bloc, on va dire, de deux orientations. Puis deux autres chemins qui sont, bah, d'une part, j'ai regardé du côté de l'activité, de l'analyse de l'activité. Donc l'engagement du sujet, à partir du moment où on admet que le travail n'est jamais pure exécution. Donc il y a un engagement subjectif. Et là, j'ai regardé du côté d'Yves Clos, de la psychologie, de l'ergonomie, de Christophe Dejour. Et puis, ça m'a amené aussi, donc dernier chemin, sur la question des émotions, et notamment à partir de la sociologie américaine, puisque pour l'essentiel, c'est là qu'on trouve des textes sur la sociologie des émotions, et en particulier reliés à la question du travail. Donc j'ai mélangé tout ça. Et aussi un peu, voilà, aussi d'investigation sur les rapports sociaux, la question des rapports sociaux et sur le genre. Et ça a donné ma thèse que j'ai soutenue donc en 2001 sur la relation de service que j'ai analysée comme un rapport social. Donc un rapport social où il y a aussi une dimension de pouvoir. C'est-à-dire que c'est pas à ce moment-là, la relation de service, elle était beaucoup analysée par les interactionnistes comme une coproduction. Donc on regardait comment l'un et l'autre un coproduisaient le service. Et voilà. Et moi, j'ai vu, j'ai entendu, donc sur mes terrains près des guichetiers de la Poste, bah que bah le sens du travail, le rapport subjectif au travail, il se nouait autour de cette notion de service d'une façon beaucoup plus complexe et beaucoup plus ambivalente, puisque servir, c'est à la fois rendre service, donc la dimension valorisante qui donne de l'autonomie aussi, la satisfaction dans le travail, mais ça peut aussi virer, mal tourner, si on peut dire, puisque aller du côté de la servitude, donc être au service d'eux, et que là, c'était une souffrance, c'était un risque pour eux. Voilà. Et donc, bon, cette attention à la dimension subjective du travail m'a amenée à ces conclusions-là. Donc là, je passe très très vite, parce que ça me prendrait sans doute trop de temps de détailler ce travail de thèse. Mais voilà, ça a été un petit peu mon première mise en application, premier terrain, gros terrain sur ces questions-là. Alors, donc, je vais ici donc. Donc reprendre certains des éléments que j'ai développés donc très récemment dans l'article que vous citiez, qui est sous presse là dans ce dictionnaire du travail, hein, donc un article définitionnel sur l'émotion, où j'ai regardé, j'ai beaucoup lu évidemment, j'ai regardé comment l'émotion au travail a pu être appréhendée dans différentes disciplines en sciences humaines et sociales. Donc évidemment c'est pas exhaustif, mais bon, j'ai essayé de d'aller voir dans pas mal d'endroits. Et donc, cette présentation va s'articuler en trois moments, en fait. D'une part, les émotions, on pourrait dire les émotions évitées, les émotions niées ou interdites. Donc, c'est l'histoire des émotions et de la sociologie, notamment, de la sociologie du travail en particulier. Donc une sorte pendant assez longtemps d'exclusion et de déni des émotions, à la fois donc du champ de l'activité scientifique et puis à la fois aussi évidemment du champ de la production et de l'organisation capitaliste, où les émotions sont malvenues, pour le dire vite. Donc ça va être mon premier point. Le deuxième, on pourrait l'intituler les émotions naturalisées et instrumentalisées, où là, j'ai regardé comment les émotions ont été investies, d'abord, bien sûr, par la psychologie, puis par les sciences de la gestion. et comment, de façon concomitante avec la montée des services et l'intensification du travail et une complexification des modes managériaux, on en est venu à instrumentaliser les émotions. Hein, on peut dire qu'on est passé un peu d'émotions proscrites à des émotions prescrites. Hein, donc là où les émotions sont devenues des instruments, des leviers, donc des rouages de la production capitaliste. Puis dans un troisième moment, je verrais des émotions, on pourrait dire, rebelles, hein, c'est-à-dire qui apparaissent là où on ne les attend pas. Là, on ne sait pas forcément bien quoi en faire et comment les penser, parce que ce sont pas seulement des affaires privées, mais aussi des affaires publiques, et donc elles ressurgissent là où on les avait déniées, refoulées, et donc elles font irruption, et puis elles sont donc source d'interrogations sociologiques et politiques. Donc, tout d'abord, je vais dire des choses peut-être sans doute assez banales, hein, c'est un propos introductif, pour voir, au départ, de façon commune, les émotions sont... j'ai plutôt commencé par là. D'abord, une considération sur les émotions en sociologie, c'est pas un objet classique de la sociologie. Et surtout de la sociologie du travail. Donc dans le champ de la production, donc l'idéologie rationaliste qui domine dans les sociétés occidentales a atteint un paroxysme avec l'organisation scientifique tayloriste du travail, les ouvriers sont... non seulement ne doivent rien ressentir, mais ne doivent rien exprimer non plus, hein, la parole même est proscrite. Ça se décline aussi avec le modèle bureaucratique, hein, puisque Fayol écrit là-dessus dans les années 1910, et puis ensuite Weber le théorise comme étant le modèle de la rationalité pure. Et un modèle idéal où les employés font un travail impersonnel, sans amour et sans enthousiasme. Quel idéal. Donc, voilà, un travail impartial et régulier. Donc, il y a une contention des émotions qui a été largement étudiée dans une perspective socio-historique par Norbert Elias, qui en détaille donc, le processus de civilisation des mœurs, donc, qui est très forte, qui est très pesante. Il n'en reste pas moins que, évidemment, des émotions s'expriment, qui diffèrent selon les cultures et selon les époques. Donc là, il y a pas mal de travaux qui ont pu montrer, en ethnologie notamment, comment il y a des émotions qui sont propres à des cultures et qu'on a peine même à expliquer et à pouvoir imaginer, en fait. De même qu'il y a des historiens, j'ai découvert à cette occasion qu'il y avait un laboratoire de recherche sur les émotions au Moyen-Âge. C'est aussi des perspectives qui sont tout à fait passionnantes. Donc les émotions, il ne reste pas moins qu'elles s'expriment, qu'elles sont donc sujets et qu'elles contribuent à nous faire advenir nous-mêmes comme sujets. Donc on peut y voir des ressentis corporels qui traduisent une expression de soi très singulière et spontanée. Ça c'est un petit peu ce qu'on entend communément, la façon dont on voit communément l'émotion, c'est une façon de se dire, de se montrer, voire de se trahir. Quand on dit, par exemple, a posteriori, ça n'était pas moi, j'ai agi sous le coup de la colère ou sous le coup de l'émotion. Hein, on exprime que il y a quelque chose, il y a l'émotion qui est sujet de nos actes. Et là, on voit que les émotions donc renvoient pas à une intériorité stabilisée, mais opèrent des déplacements. Et c'est le sens étymologique de l'émotion. Émouvoir, c'est mettre en mouvement. Donc il y a d'un côté, ce surgissement spontané là, et presque il y a une certaine autonomie. Et puis, bien évidemment, les émotions en même temps sont normées, sont des faits sociaux au sens de Durkheim, puisque déjà, il définissait les faits sociaux comme des manières d'agir, de penser et de sentir. Hein, donc extérieur à l'individu et qui s'impose à lui de façon coercitive. Donc déjà, l'idée du ressenti, hein, normé, a été déjà pointée par le père de la sociologie, un des fondateurs en tout cas. Et même si donc il s'est évertué à distinguer la sociologie de la psychologie, on peut pas non plus caricaturer les choses, hein, et il était à considérer les émotions comme des faits sociaux. Mauss avait aussi écrit sur les émotions et parlé d'une expression obligatoire des sentiments en fonction des rôles qu'on a dans la société. Donc il y a une discipline des corps, une prescription affective qui exerce une fonction de contrôle et qui donc préviennent des risques qu'on peut imputer à une expression trop libre, trop subjective des émotions. Et cette normalisation, donc, elle est aussi, donc, elle est, c'est à la fois une contrainte, mais c'est aussi un moyen de s'accorder les uns et les autres sur ce que nous vivons. Il y a un langage des émotions, donc là aussi, c'est une formule de Mauss qui parle de langage des émotions. Et ces émotions, c'est aussi parce qu'elles sont normées, et grâce au fait qu'elles sont normées, qu'elles ont une fonction communicationnelle et d'harmonisation, ce qu'elles contribuent à définir les situations que nous vivons, dans un processus de construction collective, de définition collective des situations. Donc, les émotions, elles se situent à ce point de jonction entre le singulier et le social, entre le corps et la raison, on peut dire aussi. Et à ce titre-là, elle devrait être un objet privilégié pour les sciences sociales, parce qu'elles sont à cette place d'intersection. Et c'est ce qui me conduit à la définir comme un rapport. L'émotion serait un rapport. Plus précisément, elle est le point de rencontre entre un rapport ancré et incarné à soi et un rapport au monde, au réel, aux autres. Et c'est ce qu'on retrouve dans la définition qu'en donne Merleau-Ponty, que je trouve qui convient très bien en fait aux chercheurs en sciences sociales. Donc je cite Merleau-Ponty, « L'émotion n'est pas un fait psychique et interne, mais une variation de nos rapports avec autrui et le monde, lisible dans notre attitude corporelle. » Donc voilà, l'émotion comme rapport, je trouve ça assez stimulant, mais évidemment, cette conceptualisation-là se heurte au fait que toute notre façon de penser les choses, tous nos mots, sont très encombrés par les grandes oppositions classiques entre émotion et raison, entre corps et cognitif, entre individu et société, authentique et factice, etc. Et ça, c'est très évidemment très, très présent, et ça, on va le retrouver dans pas mal de démarches académiques aussi. Et elles empêchent de penser toute la complexité du rapport des individus avec ce qui les environne, malgré des avancées assez importantes comme les textes de Damasio qui montrent qu'il y a une raison des émotions, puisque les émotions, la raison plutôt sans émotion, déraisonne, on peut dire, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Donc ça, en neurologie, il y a eu un cas comme ça, quelqu'un qui avait perdu complètement la case émotion, bien que raisonnant tout à fait, d'un point de vue logique, très très bien, qui a été amené à faire dans sa vie des choix complètement déraisonnables, qu'on jugerait complètement déraisonnables, parce que, sans les émotions, la raison n'est rien. Et on pourrait aussi peut-être dire l'inverse également. Donc l'intérêt des émotions, il est multiple. Hein, il permet de rendre compte du caractère profondément vivant des hommes et des femmes dans diverses situations sociales, parmi lesquelles donc, le travail occupe une place centrale, en tout cas importante. L'individu donc, qui est convoqué comme sujet, dans son épaisseur psychique et corporelle, et donc pas seulement en termes d'acteur ou d'agent. Un petit peu. Voilà, parce que ce qu'il faut voir effectivement, c'est que les émotions ne sont pas mécaniques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas juste subies et réactives par rapport à des situations. Elles ne peuvent pas être réduites donc à des pulsions naturelles, des effets de causes neurologiques ou une application de règles, de prescriptions sociales, de normes. Elles sont aussi donc une démarche active du rapport au monde, une compréhension cognitive et sensorielle à la fois, qui participe à l'élaboration de nos jugements. Elles sont donc une adaptation active à l'environnement et potentiellement aussi une création de solutions par rapport à ce qui nous arrive. Donc en ce sens, l'émotion pourrait être considérée comme une rationalité de l'action. Pourtant, donc malgré un intérêt patent, les émotions donc, font l'objet d'un certain évitement, notamment dans la recherche et notamment en sociologie. Il me semble que plusieurs facteurs peuvent permettre de comprendre pourquoi en France, en tout cas, la sociologie, enfin, les sociologues du travail, hésitent beaucoup à s'engager dans cette voie et pourquoi ils délaissent généralement à la fois la question des émotions et celle de la subjectivité, puisque ce sont des objets qui sont souvent perçus comme ingrats, comme risqués, indignes, voire tabous ou insaisissables par la sociologie, par les sociologues. Donc une des explications, c'est peut-être la complexité, la polysémie, la labilité des émotions, leur ambivalence aussi, qui fait que c'est pas très très bien comment les appréhender. Une autre tient certainement de la tradition rationaliste, philosophique, que la sociologie a largement incorporée, en valorisant le positivisme, l'objectivisme, et plus récemment aussi l'empirisme. Hein, et donc évidemment, les émotions, elles se comptent pas, elles ne s'observent pas directement comme ça sur un terrain. Et du coup, ça en fait comme ça des objets qui sont perçus comme insaisissables. Parmi les raisons, on peut aussi évoquer la rigidité des frontières disciplinaires, puisque les émotions convoquent particulièrement les démarches interdisciplinaires et que c'est pas toujours évident à mettre en œuvre. Enfin, on peut aussi pointer le rôle des rapports sociaux dans cet évitement des émotions, puisque la sociologie du travail est souvent centrée sur l'homme blanc des classes moyennes et des classes supérieures, qui lui-même occulte les émotions dans un idéal de maîtrise. Donc il y a une division du travail émotionnel qui attribue ce travail principalement aux femmes, je reviendrai là-dessus bien sûr, et qui le circonscrit à la sphère domestique, qu'on peine aussi à considérer comme étant du travail. Donc les émotions sont structurées par des règles sociales, mais aussi par des rapports sociaux, aussi bien donc dans les pratiques quotidiennes que dans les choix opérés par la recherche académique. Donc là, j'en viens à mon premier... En fait, c'était plutôt une introduction à mon premier... Enfin, donc non, à mon deuxième point, pardon. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, qui interroge la façon dont la psychologie et la gestion s'emparent de cette question des émotions et qui interroge aussi quels effets ça a sur le travail. Donc, bien évidemment, sans surprise, c'est en psychologie qu'on va trouver le plus de textes, plus d'études sur les émotions. Beaucoup de ces études s'attachent à définir les émotions, à les recenser. Donc on a des listes, ça donne des listes des émotions. Alors on a toutes les émotions déclinées, des grandes listes. Alors elles sont parfois rangées, elles sont parfois... Donc on a parfois des Donc des nomenclatures extrêmement précises, hein, très très variées. Alors on a aussi des classements par selon des critères qui peuvent être différents. Il y a des distinctions en termes d'intensité, de durée. Alors par exemple, alors, on a essayé dans un souci épistémologique, hein, de distinguer l'émotion, des sentiments, de l'humeur. Des affects, bien sûr, toutes ces questions-là. Donc, en avançant le critère de l'intensité, hein, ou de la durée, par exemple, l'émotion aura une durée plus courte que le sentiment, hein, qui se déploie dans le temps. Selon aussi un autre critère, c'est le degré de conscience qu'on peut avoir de ces émotions, ou la capacité de verbalisation, ou encore la localisation. Hein, il y aurait des émotions qui seraient plus physiques et d'autres plus psychiques. Par exemple, la douleur, hein, serait plus physique et la souffrance serait plus psychique. Voilà. Et donc, bon, il y a eu ces tentatives qui sont faites. Et en même temps, il me semble en tout cas, hein, qu'il n'y a pas vraiment d'accord stabilisé, hein, sur le lexique de l'affectivité, hein, puisque aucun de ces critères, il y a des espèces de tendances, on peut dire, mais ne fonctionne vraiment très très bien. Et pour faire face toujours à cette hétérogénéité des émotions, hein, il y a des classifications, alors qui essayent aussi de classer les émotions. Il y aura des émotions pures, hein, donc les émotions primaires, et des émotions secondaires qui résulteraient de mélanges. Hein, donc si vous mélangez, deux types d'émotions, la colère et la peur, ça donne, l'effroi. Voilà, donc comme les couleurs, vous voyez. Et puis, il y a aussi le classement entre émotions positives et négatives. Alors, c'est celui qui va être le plus aussi diffusé, hein. Sans percevoir à la fois l'ethnocentrisme qu'il y a dans ces tentatives de classification, ni le simplisme parfois des chemins de valeur qui sont véhiculés par ces distinctions, puisque si effectivement on ne peut pas nier que, et c'est important d'ailleurs de le considérer, parce que c'est sans doute une clé de compréhension de la dynamique des émotions, si on ne peut pas nier qu'il y a effectivement les émotions se vivent comme étant plaisantes ou déplaisantes, hein, en même temps les classer de façon définitive, si on peut dire, comme étant positives ou négatives, pose problème, puisqu'on fait complètement abstraction de la situation dans laquelle ces émotions apparaissent. C'est-à-dire que la peur, par exemple, peut être une émotion très positive, hein, si elle nous permet d'éviter de nous faire écraser, hein. Par contre, effectivement, elle peut être très négative si on pense au lapin qui, dans la même situation, face à des phares de voiture, est tétanisé par la peur. Voilà, et là, c'est fatal. Bon, donc il y a évidemment cette question, et Virginie Després l'a bien montré, hein, c'est la question des émotions, c'est aussi qu'est-ce qu'elles nous font faire, hein, et donc sortir de cette conception de l'émotion comme étant quelque chose d'intérieur, hein, d'interne, mais de le considérer par rapport à l'action et par rapport au social, à la situation sociale dans laquelle elle se déploie. Donc souvent, en psychologie, effectivement, elle reste, les études sur les émotions la font rester cantonnées, hein, dans une intériorité fermée sur elle-même. Alors, il y a aussi beaucoup de travaux qui ont interrogé le caractère universel ou non des émotions. Alors, ça a occupé aussi pas mal de monde à la suite de Darwin, notamment Ekman, qui a essayé de démontrer que l'expression faciale des émotions, donc les grimaces que nous faisons parfois, c'est toujours la même expression, quelle que soit la culture et quel que soit le langage des individus. Donc il a montré comme ça des photos à des indigènes de partout pour voir si effectivement on comprenait la même chose, si effectivement le type là, est-ce qu'il était en colère, est-ce qu'il était heureux, etc. Mais là encore, ça fait quoi de moins abstraction des situations, hein, dans lesquelles ces expressions se manifestent. Ça pose problème au niveau de la méthode utilisée, bien évidemment. De manière plus fine, hein, puisque quand même dans la psychologie, je ne peux pas non plus faire un portrait trop calamiteux, il y a des choses vachement intéressantes aussi. Et notamment des approches psychosociologiques qui s'intéressent à la perception des émotions. Par exemple, des études américaines qui ont montré que la colère est d'autant mieux acceptée qu'elle vient d'un homme et qu'elle vient du haut de l'échelle hiérarchique. D'autres approches sont intéressantes plus près de nous, en sociologie clinique. Il y a une mise en rapport, là aussi, en fait, hein, des émotions avec les contextes sociaux et organisationnels qui les génèrent. Donc la notion de processus psycho-organisationnel, hein, que notamment Nicole Aubert et Vincent de Kolchak ont pu forger. Et puis, différemment encore, il y a l'analyse de l'activité, hein, par Yves Clos, Nocnam et son équipe, qui donne une place importante au registre affectif dans les collectifs de métiers, qui notamment montre que le sens qu'on attribue à l'activité détermine les émotions éprouvées et la mobilisation cognitive qui en résulte. Bon, alors, ceci étant, le problème, c'est que parmi donc, ces nombreux courants de la psychologie et d'autres que je ne connais pas, les études qui sont les plus diffusées sont celles qui considèrent les émotions dans leur ancrage biologique et dans leur caractère personnel intrinsèque. Et ces études inspirent des pratiques diverses, des thérapies cognitivo-comportementalistes qui visent à bien gérer ces émotions, par exemple, et on les retrouve dans divers champs sociaux, à commencer par les entreprises. Et là, depuis pas mal d'années maintenant, on assiste à une prolifération spectaculaire de formations, coaching, cellules d'aide psychologique, des numéros verts, des offres de formation, des stages sportifs, à vocation aussi d'expression des émotions, etc. Donc c'est là que la vulgate psy, à partir de l'idée du travail sur soi, hein, rencontre les préoccupations gestionnaires, puisqu'elles partagent la même vision naturalisante et instrumentale des émotions. Donc les sciences de la gestion se sont largement emparées de la question des émotions. Et en France, en tout cas, elles l'ont fait bien avant et bien plus massivement que la sociologie du travail. Les préoccupations, là, dans les sciences de la gestion, sont essentiellement de deux ordres. Elles concernent soit les déterminants de la mise au travail, donc la question de la motivation, de l'adhésion, soit les nouvelles normes comportementales qu'il faut adopter en situation de travail. Et notamment depuis la montée en puissance du secteur des services. Donc je reviendrai sur ce point-là. Mais sur le parallèle entre services et émotions, quand je repensais à la définition que donnent les économistes du service, hein, Jean Gadret, il utilise trois termes pour définir les services. C'est relationnel, immédiat et immatériel. Hein, et ces trois termes s'appliquent parfaitement aussi aux émotions. On voit qu'il y a quelque chose de concomitant, hein, qui s'est tissé là. Bon. Alors, dans les dispositifs de mise au travail, de motivation, hein, les émotions sont conçues comme des outils. Hein, c'est très clair. Donc, les émotions des dirigeants ne sont pas considérées en tant qu'elles sont des ressentis, hein, mais comme des leviers stratégiques au service du leadership. Les émotions des subordonnés, hein, sont encore beaucoup plus investies. Elle donne lieu à des manipulations qui jouent principalement sur la peur, hein, et sur le narcissisme. Donc la peur, à travers des menaces de licenciement, de stigmatisation ou de mobilité qui fonctionnent d'autant plus dans un contexte de chômage massif, et sur le narcissisme avec des flatteries, des promesses de réalisation qui mettent en concurrence les individus entre eux, déstructurent les collectifs et donc affaiblissent aussi les individus, attisent des espoirs qui aboutissent souvent à de la déception et une vulnérabilisation. Alors tout ça, c'est relayé par notamment la communication, interne comme externe, hein, qui s'engouffre dans cette brèche de l'émotionnel et qui va créer de toutes pièces, par exemple, une culture d'entreprise où là, il va y avoir aussi tout un tas de termes qui vont renvoyer à des émotions, comme, enfin, ou à des valeurs, entre guillemets, qui sont censés mobiliser, comme le respect, la passion, la curiosité, etc. Et qui va inventer aussi des événements qui vont aussi beaucoup jouer sur les émotions, qu'on pense à, aux fêtes hein, obligatoires, où il faut faire la fête ensemble, hein, ou au saut à l'élastique, par exemple, hein, qui était très en vogue dans les années 90, où là aussi, voilà, on joue sur la corde émotionnelle, c'est le cas de le dire. Une corde élastique. Alors, c'est pas fini sur les réalités, vous allez voir. Alors, les organisations donc, produisent tout un tas de discours hein, qui reposent, hein, qui utilisent les émotions. Mais en même temps, ce qui est dans la communication des entreprises, que ce soit dans les discours oraux ou écrits, hein, on a vraiment deux types de production. On a ceux qui témoignent d'une grande emphase émotionnelle, hein, où il y a des valeurs et des émotions partout, enfin des mots comme ça, qui sont très vidés de leur contenu, mais qui sont répétés à qui, voilà, à l'envie. Et puis, au contraire, toutes les productions, au contraire, où les émotions restent bannies. Hein, donc une littérature, on pourrait dire, plus grise aussi, hein, où là, on a beaucoup de termes techniques, d'euphémisation, où, bon, bah, on va, au contraire, hein, bannir toute émotion. Donc je faisais référence tout à l'heure à un passage dans l'histoire récente d'une proscription à une prescription des émotions, hein, notamment un article de Dominique Lhuillier de 2006 qui développe cette idée-là. Donc ça, c'est effectivement une tendance assez nette. Et en même temps, je pense que ces deux choses coexistent en même temps. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans la proscription et dans la prescription émotionnelle, à l'image d'un yo-yo émotionnel, un peu, où il y a des moments, voilà, il faut en faire beaucoup, et puis à d'autres moments, on est dans la retenue et dans l'évitement, au contraire, des émotions. Alors, le second ordre de préoccupation, qui explique la prise en compte des émotions par les sciences de la gestion, est orienté vers la satisfaction du client. Et plus largement, puisque le client devient aussi interne, vers la normalisation des émotions à des fins productives, à des fins d'optimisation de la production. Hein, dans quelle mesure, voilà, quelles émotions faut-il hein, pour produire mieux et plus? Alors ici, bon, il y a aussi pas mal d'inventions, de termes. Alors, on a par exemple la compétence émotionnelle, hein, qui vient de à la fois de compétence et d'intelligence émotionnelle, mais qui se transforme aussi en quotient émotionnel. Maintenant, on va mesurer votre QE. Il n'y a pas juste le QI, mais il y a le QE. Donc voilà, tout un tas de termes comme ça. Et puis, où évidemment, on va retrouver une distinction entre les émotions positives ou négatives, mais là, de façon beaucoup plus encore manichéenne et jugeante, hein, puisqu'il y a les bonnes émotions et les mauvaises émotions. Et bien sûr, il va s'agir d'évacuer les mauvaises émotions, de garder les bonnes émotions, mais sans qu'on sache très bien si elles sont bonnes ou mauvaises, par rapport à qui, par rapport à quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour celui qui l'éprouve, hein, qu'une émotion est jugée bonne, ou par rapport à son entourage, ou pour le client, ou pour la production, ou encore pour la qualité, ce qui est différent. Voilà, donc c'est... Bon, évidemment, là aussi, là, en plus, la question morale... Hein, est toujours ignorée. Hein, c'est-à-dire que la normalisation des émotions, elle est tout entière soumise à des impératifs d'efficacité productive, sans du tout prêter attention aux conséquences sociales, morales que ça peut avoir. Donc tout ça, toute cette utilisation-là des émotions, elle est souvent dénoncée hein, comme un phénomène de psychologisation. Puisque là, évidemment, la conséquence, c'est que les problèmes de travail et d'organisation vont être imputés aux individus et à leurs carences. Hein, donc si on échoue dans certaines missions, si on est stressé, c'est parce que, ben, on a un déficit de compétences émotionnelles, on a un mauvais QE. Voilà, donc il y a cette dénonciation qui existe. En même temps, malgré ça, les réponses organisationnelles qui sont données à ce que ça génère, c'est-à-dire quand même à une pression croissante et à une charge qui est mise sur les individus de plus en plus. Les réponses organisationnelles, c'est souvent la mise en place de dispositifs de compensation, donc toute la psychologie de soutien et les formations. Des dispositifs aussi de féminisation, à travers la communication, la gestion des ressources humaines, et un déni de l'expérience affective du travail. Alors, ma troisième partie, j'aurais peut-être pas dû intituler comme ça d'ailleurs, bon, ça va concerner le statut et la place des émotions dans à la fois la sociologie américaine et certains travaux plus proches de nous, qui vont essayer de problématiser un petit peu autrement hein, l'articulation entre émotion et travail. Depuis la fin des années 70, il y a de plus en plus de travaux en sciences humaines et sociales sur les émotions, et en particulier en Amérique du Nord, et plus récemment en Europe. Et ce développement qui est important, il y a une sociologie des émotions qui est très institutionnalisée aux États-Unis depuis déjà pas mal de temps. Donc ce développement, à mon sens, il peut s'expliquer par la conjoncture de trois phénomènes. D'une part, le développement des services, comme j'ai déjà mentionné, qui amène à une prise en compte beaucoup plus ample de la dimension relationnelle du travail. D'autre part, les nouvelles formes de management qui font de la motivation sur l'appel à la subjectivité, dans une logique d'intensification du travail. Et puis, troisièmement, une transformation des disciplines académiques elles-mêmes, qui sont plus proches du terrain, avec une extension des méthodes inductives, des théories interactionnistes, par exemple, ou de la clinique. Alors, bien sûr, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que les émotions, elles arrivent au moment où le secteur des services se développe. Bien sûr, les émotions, elles ne sont pas... elles sont évidemment aussi tout aussi présentes dans le travail sur de la matière, puisque l'ennui, notamment, la peur, le doute, etc., évidemment, sont présents. Et là, ça a été étudié par les sciences sociales, mais souvent, par exemple, je pense à la question de la solidarité au moment de conflits sociaux, ou même du rire, la fonction du rire vis-à-vis de l'autorité hiérarchique, par exemple. Ça a été étudié par des sociologues, mais de façon assez ponctuelle, sans qu'il y ait eu de théorisation vraiment là-dessus, sauf peut-être, à l'exception peut-être, des travaux de l'école des relations humaines, qui ont quand même constitué tout un champ de recherche et puis d'intervention. Donc on peut penser que les sciences sociales sont suiveuses, c'est-à-dire que les émotions étant à la marge des préoccupations des entreprises, elles étaient aussi à la marge des préoccupations des chercheurs. Mais aujourd'hui, avec l'importance donc, qui est donnée à la composante relationnelle du travail, qui est davantage au cœur de l'activité, et qui est donc plus soumise à prescription, il y a une nouvelle problématique, une nouvelle attention qui est donnée à ces questions-là. Donc le développement des services, je pense, a servi de révélateur à un moment où l'entreprise ne pouvait plus être dans le rejet des émotions, puisque les entreprises, pendant longtemps, ont laissé les émotions à la porte de l'entreprise. Les émotions ont pu cependant se manifester, bien sûr, nourrir notamment des formes d'implication, la fierté au travail par exemple, de travail bien fait, mais en même temps elle était toujours potentiellement aussi elle pouvait toujours aller du côté d'une résistance et d'une contestation, puisque la fierté au travail ça peut aussi amener à refuser certains modes productifs qu'on estime contraire au travail bien fait, par exemple. Donc, les émotions ont aussi entraîné de la contestation, de la révolte, notamment les sentiments d'injustice et de colère qui ont pu se manifester par des grèves, des contestations, des mouvements sociaux. Donc, de plus en plus, les entreprises internalisent, on peut dire, le fait émotionnel pour mieux aussi le canaliser et l'exploiter. Alors, c'est pour rendre compte de cette évolution que Harley Hochschild a initié donc un courant d'études aux États-Unis qui s'inscrit dans une sociologie donc des émotions qui existait déjà, hein, mais elle va l'orienter sur les questions de travail. Donc elle va s'inspirer, donc c'est des années... Donc Hochschild, ça s'écrit de façon très compliquée, hein, c'est H-O-C-H-S-C-H, les deux, hein, C-H-S-C-H-I-L-D. Donc en 83, elle écrit The Managed Heart, hein, qui est toujours pas traduit, elle s'inspire de l'interactionnisme et de la psychanalyse, hein, Goffman et Freud. Et elle va développer le concept de travail émotionnel, emotional labor, qui consiste, pour les travailleurs, à exprimer les émotions dictées et contrôlées par l'employeur. Alors, se conformer à des émotions, hein, des normes émotionnelles, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le fait de toute vie sociale. Hein, mais dans certains métiers... on a plus directement affaire aux émotions, à la fois à ses propres émotions et aux émotions d'autrui. Hein, il y a des métiers qui sont plus éprouvants que d'autres sur ce plan-là. Certaines émotions doivent être contenues, réprouvées, hein, voire refoulées, tandis que d'autres vont être favorisées, stimulées, voire prescrites. Donc évidemment, on pense à l'hôtesse, qui est tout le temps tout sourire, tout le temps aimable, etc., à l'agressivité du vigile, hein, il a toujours montré ses dents, et puis... Le cerbère. Voilà. À l'infirmière, qui doit être toujours dans l'empathie, et qui doit cacher, par exemple, des expressions, des sentiments de dégoût par rapport à un patient malade, ou à l'enthousiasme indéfectible du commercial, toujours sympa, de bonne humeur, et voilà. Bon, donc c'est le cas dans beaucoup de métiers. Et Hochschild donc décrit ça très bien. Elle prend le cas des hôtesses de l'air, des stewards, elle dit que cette conformation-là, ce travail émotionnel, c'est pas juste un travail sur l'expression, hein, mais c'est aussi un travail sur le ressenti. Hein, donc elle distingue deux niveaux de jeu, hein, de jeu au sens d'acteur, de acting, hein, elle dit voilà, il y a un jeu en surface, hein, donc c'est juste les expressions, le sourire. Puis un jeu en profondeur, on va vraiment faire un travail pour ressentir les émotions qui sont exigées par la situation de travail, par l'employeur. Et du coup, ça va très loin, c'est-à-dire que il s'agit pas, donc là, ça va beaucoup plus loin que ce que Goffman, par exemple, a pu montrer. C'est-à-dire, il s'agit pas, on n'est pas juste un acteur. Sur une scène de théâtre, hein, y a des règles très strictes, hein, jusqu'à la standardisation de la parole, les scripts comportementaux qui disent de sourire, y compris par vos téléphones, parce que ça s'entend, donc il faut sourire. Donc y a une prescription très forte, il y a des évaluations, des sanctions, avec par exemple l'invention du savoir-être. Il y a une représentation permanente aussi de tout un tas de métiers comme ça sont tout le temps en représentation, hein, donc contrairement à l'acteur qui quand même ça ne dure qu'un temps. Bon. Donc ce jeu en profondeur, il engage le sujet et il peut mettre en jeu sa santé parce que c'est un travail émotionnel qui est fatigant, exigeant, aliénant et qui peut aller jusqu'à l'épuisement professionnel avec des phénomènes de burn-out. Donc elle distingue dans le travail émotionnel, elle dit bon, ça peut varier en fréquence, en intensité, en durée, en variété, hein, et puis dans l'écart avec les émotions vraiment ressenties, hein, c'est-à-dire la question de l'authenticité, de l'inauthenticité, donc de l'aliénation, voilà, c'est plus ou moins aliénant, mais de toute façon c'est exigeant, fatigant et compliqué et pas reconnu. Alors il ne faudrait pas en conclure forcément que le travail émotionnel est en soi nuisible, parce que elle citait par exemple l'exemple du comédien, de l'acteur professionnel, hein, bon, c'est évidemment un travail sur ses émotions, hein, et qui n'est pas forcément du côté de l'aliénation, hein, par exemple. Mais en même temps, Ce qu'on remarque, c'est qu'évidemment, ben, dans la plupart des métiers qui l'exigent le plus, ce travail émotionnel, qui sont ben, les secteurs social, secteur du soin, les services en général, ben, il se trouve que les conditions de travail, l'autonomie, le statut d'emploi sont souvent défavorables et précaires. Hein, la reconnaissance aussi. Et ça, ça en dit long ben, sur la place qui est accordée aux émotions dans les organisations. Et en particulier dans un contexte comme le nôtre, un contexte d'intensification du travail et d'individualisation du travail, le problème, c'est qu'il manque souvent les temps et les espaces nécessaires pour réguler ce travail émotionnel. Donc des coulisses, hein, les espaces nécessaires, les coulisses, des lieux qui ne soient pas au front office en permanence, et puis des temps qui ne soient pas directement productifs, pour que collectivement aussi on puisse échanger sur... Ben, sur ses émotions, sur tel client qui nous a mis en colère, etc. Et donc les conséquences pathogènes hein, de la charge psychique de l'activité ne sont pas uniquement dues à l'intensité des émotions, ou même à leur dissonance, mais peut-être encore plus au manque de régulation collective. Alors dans les exemples que j'ai donnés, on voit la sexuation de la division du travail émotionnel. Parce que les rapports de sexe se conjuguent aux rapports productifs. Ça va être souvent des femmes à qui on va demander un travail émotionnel important, hein, en tout cas des métiers fortement féminins. Et c'est sans doute pas un hasard. D'une part parce que, enfin, si on le met en tout cas en lien, avec le fait que le travail émotionnel, pour fonctionner, il faut qu'il soit invisible. Si par exemple l'infirmière dit « Ah, vous voyez, comme je suis bien empathique avec vous, vous voyez, comme j'ai bien réussi à cacher mon égo, mais ça ne marche plus. Hein, » C'est-à-dire que tout d'un coup, ce travail s'effondre. Hein, je dirais, il rate son but, c'est complètement inefficace. Il doit rester invisible, ce travail. Et voilà, et comme par hasard, il est surtout demandé à des travailleuses. Des travailleuses dont on attend par ailleurs évidemment toutes les qualités dont on sait que les femmes sont naturellement pourvues, la douceur, l'empathie, la patience, etc. Donc il y a une pression sociale qui est d'autant plus forte hein, aussi que manifester ces émotions-là est liée à l'identité sexuelle, c'est-à-dire au fait d'être perçue par soi-même et par les autres comme une femme. Donc il y a une assignation identitaire qui est évidemment très forte et qu'on retrouve dans tous les métiers du care, hein, qui sont de plus en plus étudiés. Et c'est là qu'on va aussi trouver beaucoup hein, de travaux ces dernières années sur la sociologie des émotions. C'est dans les métiers, dans l'analyse des métiers du care qui se développe en France. Je pense à un ouvrage de Fernandez, Lézé et Marche qui s'appelle « Le langage social des émotions » et qui analyse ces questions-là avec beaucoup de métiers qui sont dans le secteur du soin en particulier. Et donc voilà, ces études sur le care, évidemment, bah, du coup, elles vont aussi toucher d'autres questions et d'autres rapports sociaux, les rapports sociaux de race notamment, et la question des générations aussi, puisque bah, notamment les métiers de service à la personne vont poser la question des phénomènes de migration des travailleuses du sud vers le nord, et Scott Child donc appelle la globalisation de l'amour. Hein, donc des phénomènes aussi dont on voit que bah, voilà, ça ne concerne pas uniquement la sphère privée, mais englobe des questions beaucoup plus vastes, beaucoup plus macro. Alors, si on déplace un petit peu l'analyse, hein, parce que Scott Child, donc elle va regarder, donc elle regarde hein, la façon dont les émotions sont prescrites et dont les travailleurs répondent à cette prescription par le travail donc qu'ils engagent sur eux-mêmes, hein, sur la transformation de ce qu'ils éprouvent. Et en même temps, ça ne recouvre pas tous les métiers et puis toutes les façons dont les émotions peuvent s'exprimer en milieu de travail. Et notamment, il faudrait aussi regarder ce qui se passe quand l'émotion n'est pas prescrite par l'organisation, mais quand elle s'impose aux travailleurs qui doivent bien en faire quelque chose. Alors là, je vais m'appuyer sur les travaux de Christophe Dejour, puisque je trouve qu'ils illustrent bien, et ils apportent vraiment quelque chose au débat. Donc lui aussi est parti des apports de la psychanalyse, puisqu'il est en lien, et de la sociologie et de l'ergonomie, pour regarder la subjectivité au travail. Et donc ce qu'il constate, c'est que face aux épreuves du travail, donc le réel de l'activité qui résiste, certains dysfonctionnements organisationnels éventuels, les travailleurs ne sont pas passifs. Dans bien des situations, donc, ils parviennent par l'exercice de la ruse, par l'élaboration de savoir-faire, à surmonter ces difficultés, et à transformer leur souffrance en plaisir au travail. Et dans d'autres cas, ça ne marche pas, mais ils élaborent des stratégies défensives qui vont déplacer les problèmes, qui vont redéfinir les problèmes rencontrés. Et l'exemple des travailleurs du bâtiment est particulièrement parlant, puisque les travailleurs dans le bâtiment doivent faire face à une émotion qu'on retrouve dans beaucoup de métiers, qui est la peur, et qui là pose un problème particulièrement vif, puisque comment on fait pour travailler, pour monter tout en haut d'un échafaudage, quand on a les jambes qui flageolent et qu'on tremble de peur, évidemment, on ne peut plus travailler. Donc il faut bien en faire quelque chose. Et là, donc, les travaux de Dejour, de Damien Cru, de Daniel Lou, vont montrer comment ils font, en fait. Le fait de, à travers une idéologie virile de métier, des actes de bravade aussi, ils vont arriver à dénier le risque, à dénier le danger pour ne pas avoir peur. D'où les difficultés notamment des préventeurs, dans la prévention des risques, pour que les ouvriers portent des casques, puisque porter des casques, ça veut dire que c'est dangereux. Si c'est dangereux, ça veut dire que j'ai peur, mais si j'en porte pas, c'est... Bref. Donc c'est toute une économie psychique et collective qui se met en place autour de cette émotion, et pour faire face à cette émotion, et qui implique un rapport spécifique aux autres, au réel et à soi. Et ça me semble vraiment une approche très, très intéressante des émotions. Alors toutes ces études, et je vais finir là-dessus, que j'ai citées, se rapportent à des métiers qui sont situés en bas de l'échelle sociale. Or, évidemment, l'encadrement, les postes en haut de la hiérarchie sont évidemment aussi concernés par le travail émotionnel, par les émotions. Mais là, on trouve beaucoup moins de travaux. Il y a quand même un déficit de travaux en sociologie sur les cadres. On décèle des bribes dans les recherches qui portent sur les processus de formation, de sélection et de socialisation professionnelle, dans la lignée des travaux de Hughes, notamment sur la profession médicale. Donc là, il y a des choses sur la façon dont on va transformer son rapport à la mort, son rapport au corps, et des émotions, effectivement, comme le dégoût, comme la peur de l'erreur, etc. Sur les cadres dirigeants, j'ai pas rencontré vraiment de travaux qui prennent vraiment comme objet les émotions. Ce qui semble apparaître, c'est qu'il y a un déni des émotions, qui est très fort. Les cadres, eux-mêmes souvent issus des classes dominantes, se trouveraient dans l'illusion d'une maîtrise de soi, dans une maîtrise de ses émotions. Et l'idéal du cadre, c'est ne pas être sensible, c'est être courageux, ne pas avoir d'état d'âme. Et ceci conditionnerait l'effectuation du travail aussi. Et notamment le fait d'être dans un déni cynique de ses émotions peut conduire et conditionner l'accomplissement d'actes qui sont moralement condamnables, qui sont moralement problématiques, d'actes qu'il réprouve. Donc ça, c'est aussi une thèse qui est, défendu par Christophe Dechour, hein, même s'il va moins en finesse hein, sur le rapport hein, aux émotions. Mais en tout cas, on peut peut-être émettre l'hypothèse que plus largement, la distance d'avec ses propres émotions et d'avec les émotions des autres aussi, explique beaucoup de dysfonctionnements et de maltraitances organisationnelles. Je terminerai là-dessus pour ne pas être trop longue. Bien, mais non, ce n'était pas trop long en fait. Ce n'était pas trop long, c'était entièrement dans les temps, mais ce n'était pas trop long parce que c'était très intéressant et quand c'est intéressant, on ne sent pas trop le temps passer. Donc merci beaucoup pour cette intervention. Donc il y a plein de choses, hein, plein d'informations à la fois, plein de perspectives et d'analyses. Donc, je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions, à mon avis, autour de ce que vous avez dit. Donc la parole est à nous, si je puis dire. Qui commence ? Alexis. J'aurais beaucoup de questions, j'essaie de commencer par une. Concernant cette dernière hypothèse, que moi aussi j'ai cru voir chez Dechour, au fond, qu'il y a une fonction sociale de ce déni des émotions, à la fin, y compris chez les classes dirigeantes, lui dit que c'est une banalisation de faire de l'injustice et que ça mène en effet à se rendre aveugle, etc., à la souffrance des autres. Est-ce qu'au fond, je me demandais, c'est pas un peu la même chose que chez Horsheim, au sens où, même pour les hôtesses de l'air, pour les stewards, que non seulement il faut contrôler ses émotions, son empathie qui doit être simulée ou recrutée, mais au fond ça a des effets sur les autres. Le but est de contrôler les émotions des clients, donc des passagers. Je me demandais si on ne pourrait pas radicaliser un peu cette hypothèse en disant qu'au fond, ce travail émotionnel, y compris dans les relations de service, mais pas seulement, peut mener, c'est ce que semble dire Dechour, mais peut-être qu'au niveau microsociologique, ça ne marche pas, à l'idée qu'il y a un travail de contrôle des émotions des autres. Finalement, Dechour dit un petit peu ça à la fin, il dit au fond, les structures organisationnelles joue ou incite à certaines formes de défense, stratégies de défense virilistes, etc., qui elles-mêmes ont des effets sur les émotions des travailleurs de niveau inférieur. Et est-ce qu'au fond, c'est pas toujours un petit peu comme ça ? Est-ce que déjà, c'est pas la même chose que chez Horsheim et que la sociologie qui s'est occupée de ces questions-là ? Ce qui, alors je finis cette première grande question, ce qui peut-être pourrait vouloir dire que cette coexistence de la proscription, de la prescription des émotions est une fonction sociale aussi, qui est de rendre invisible ce travail-là, ou alors de ne pas mettre les travailleurs qui doivent encadrer les autres devant la souffrance éthique, de leur dire bah, « votre mission est aussi de contrôler les émotions des autres ». Oui, alors, oui, enfin que, qui est, enfin moi, il me semble quand même que dans les propos de, enfin, dans cette analyse-là, le fait de contrôler ses propres émotions chez les cadres hein, pour Dechour, ça a d'abord une fonction protectrice pour soi, voilà, par rapport à une compréhension de son travail, de son rôle, de sa fonction, et par rapport à des décisions à prendre, des actes voilà, à faire, voilà, pour permettre cela. Après, que ça ait des effets sur les émotions des autres, oui, certainement, notamment en termes de normalisation. Hein, c'est-à-dire qu'on va aussi demander à ce que son entourage, ses collègues, ses subordonnés soient dans le même déni, sinon ça ne marche pas. Hein, donc là, effectivement, c'est intéressant parce que ça fait système, c'est-à-dire qu'on va imposer aussi aux autres ce même rapport à ses émotions. Hein, et je pense que c'est effectivement le cas. Mais je crois, contrairement à d'autres métiers qui sont des métiers du soin au sens très large, hein, même les hôtesses de l'air, c'est-à-dire où il s'agit, où la définition même du métier, hein, c'est effectivement hein, que les voyageurs dans l'avion là, ne soient pas stressés, passent un agréable moment, en tout cas de prévenir aussi de la peur, de la panique hein, de chez certains voyageurs qui ne supportent pas bien l'avion. Voilà, donc c'est à voir, c'est bien, la fonction elle-même hein, est une fonction d'apaisement des voyageurs. Là, ce n'est pas le cas. Hein, donc il n'y a pas. Le métier des cadres enfin, n'est pas défini. Enfin, quoi que ça se discute, hein, mais disons que. Disons que ça peut faire partie des prérogatives, mais donc c'est pas l'essentiel de leur travail n'est pas de modifier les émotions des autres, hein, même de leurs subordonnés, même si effectivement on peut comprendre, en tout cas dans ceux qui ont en charge d'animer des équipes, hein, qu'il y a effectivement à agir sur les émotions, mais sur des émotions en termes d'engagement, en termes de effectivement, d'engagement au travail, de motivation, enfin, etc. Donc oui, il faudrait creuser un petit peu de ce côté-là, sur les émotions, effectivement, qui sont induites hein, hein, par ces comportements et ce propre rapport à ses propres émotions. D'autres questions ? Moi, j'ai une question. Bon, Marie puis Vincent. Non, j'avais une question de précision en fait sur justement cette question du travail émotionnel comme une stratégie de défense. C'est quelque chose que je comprends pas très bien justement chez Dejour. Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est conscient? Est-ce que ça peut potentiellement être les deux? Et la question que je me posais aussi et qui faisait plus référence du coup au titre de votre intervention aussi, c'était à partir du moment où on accepte justement que les émotions peuvent s'inscrire dans une dynamique de défensive, comment est-ce qu'on peut récupérer l'idée qu'elles pourraient aussi fonctionner comme un grain de sable ou comme une motivation à la résistance ou à la contestation du coup, est-ce que finalement il n'y a pas une neutralité des émotions de ce point de vue-là qui peuvent être agies finalement dans un sens ou dans un autre? Est-ce que la détermination de l'action ne va pas plutôt se jouer au niveau de l'organisation du travail, des ressources relationnelles, enfin, c'est rien. Alors oui, sur le travail émotionnel. Dans ce que Dejour montre, en fait, effectivement, ça se passe à un niveau qui n'est pas le niveau conscient. Enfin, c'est pas du tout quelque chose de. C'est complètement dans l'inconscient que ça se passe. Hein. Enfin, c'est pas du tout. Je veux dire qu'ils ont dû déployer une méthodologie assez complexe pour parvenir, en fait, à comprendre comment ça fonctionnait, hein, et pour comprendre en fait que ce déni du risque, hein, parce qu'en fait ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les émotions qui sont déniées, hein, c'est-à-dire que c'est pas j'ai pas peur, hein, c'est pas, c'est-à-dire que pour ne pas avoir peur, il faut transformer le réel, hein, c'est-à-dire son rapport au danger lui-même, hein, donc. On ne peut pas se contenter de se dire « ça ne me fait rien, hein, c'est dangereux, mais je n'ai pas peur hein, ». C'est qu'il faut, arriver à se représenter son travail et les risques hein, comme étant pas dangereux pour ne pas avoir peur. Et donc ça implique qu'on se mette d'accord collectivement, puisque quand on est plusieurs à travailler, il ne faut pas que je sois tout seul, sinon ça ne marche pas. Hein, ça ne marche pas si je suis tout seul à penser qu'il n'y a pas de danger, que tout le monde pense qu'il y a un danger. Ça ne va pas fonctionner, hein, ou alors c'est mauvais signe pour moi. Je veux dire, donc il faut vraiment que ça passe par toute une. Des pratiques sociales, des discours qui vont être partagés. Et bon, c'est toute la force de sa théorisation, de cette question de défense collective. Il y a aussi des défenses individuelles, mais celles qui fonctionnent le mieux, c'est celles qui sont collectives. Et qui vont être des défenses donc, qui vont être très efficaces, hein, mais qui vont être aussi très excluantes pour celui qui ne marche pas dedans. Hein, celui qui émet des doutes sur... mais en fait, ça a l'air quand même un peu dangereux et il se fait complètement rejeter, stigmatiser, hein, parce que c'est une vraie menace. Donc là, on comprend mieux. Enfin, je trouve que ça donne vraiment des clés aussi pour comprendre les dynamiques sociales. Donc là, ça se passe vraiment à un niveau qui n'est pas du tout conscient. Et c'est très compliqué, du coup, d'intervenir aussi, du coup, dans ces milieux-là, puisque l'action du préventeur, par exemple, hein, elle va compromettre ses stratégies défensives. Et donc, bon, on a un peu l'impression d'aboutir à une impasse. Hein, qu'est-ce qu'on fait, du coup, hein, on les laisse comme ça prendre des risques, ou on essaye de les prémunir contre le danger, au risque de leur faire encourir un danger plus grand que le danger actuel. Enfin, c'est vraiment compliqué du coup au niveau de l'intervention, parce que ça fait aussi partie de la méthodologie, de la finalité de ces recherches-là. Mais donc là, c'est un niveau qui n'est pas du tout conscient. Voilà, mais qui est assez visible, enfin, et qui, alors là aussi, hein, c'est assez intéressant, comme on voit qu'il y a aussi un déplacement, c'est-à-dire que le trait émotionnel, c'est-à-dire que les émotions, hein, la peur, la confrontation, c'est cette émotion-là qui est la peur, donc elle est évitée, mais bon, au prix, hein, quand même, de toute une transformation, hein, donc, du rapport au réel, d'un collectif très cohésif mais très excluant, au prix aussi de prise de risque parce qu'il y a des comportements de bravade, parce que si je pense que c'est pas dangereux, il faut que je le montre, il faut aussi que je fasse des trucs. Et au prix aussi, ça va aussi, en tout cas dans ces collectifs de métiers-là, avec un alcoolisme, bon. Donc c'est très coûteux, hein, les stratégies défensives. Mais voilà, mais bon, ça marche. Alors la question, enfin aussi ce qu'ils observent bien, et notamment Damien Creux et René Baratta, on en fait un film de cette étude qui est très bien, qui s'appelle Aucun risque, parole de compagnon, et qui montre aussi, hein, comment, en fait, ce sont leurs femmes, à ces ouvriers du bâtiment, qui ont peur. Il y a effectivement ces émotions, elles existent quand même, et elles, il y a un déplacement, et il y a une division émotionnelle, enfin une division du travail émotionnel, et que ces femmes d'ouvriers du bâtiment, dès qu'elles entendent la sirène des pompiers, elles se disent « Ah, pourvu que ce soit pas mon mec », etc. Donc il y a vraiment... mais tout ça, c'est complètement... c'est pas du tout conscientisé. Voilà, il y a les gars, eux, qui n'ont pas peur, hein, qui pensent qu'ils ont tout à fait raison. Et puis leurs femmes, qui elles, sont évidemment pas du tout dans cette idéologie-là, hein, qui, de métier. Mais alors, par contre, chez Hochschild, ça joue différemment. Il peut y avoir des degrés de conscience de ce travail qui est demandé, hein, puisque là, c'est pas du tout. Ça fait beaucoup moins partie d'un système, d'une économie psychique et sociale, comme dans le cas des idéologies défensives décrites par la psychodynamique. C'est un travail qui est exigé, hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement, il faut qu'on sourie. Aux clients, même si on n'a pas du tout envie de sourire, hein, et donc on va le faire, on va essayer de le faire, et donc on va bien aussi mesurer ce qu'il faut qu'on fasse comme travail pour arriver à ça, donc cet écart qu'il faut combler entre ce qu'on ressent effectivement et ce qu'il faut afficher pour se conformer à ce qui est prescrit, hein, ce qui est attendu dans sa tâche. Donc là, il y a un degré de conscience qui est plus ou moins grand, mais qui peut tout à fait être présent, ou qui peut être minoré. Enfin, voilà, après, il y a, je pense, tous les rapports, mais effectivement, ce serait intéressant de creuser ça aussi. Hein, c'est-à-dire comment ça se passe aussi selon le degré de conscience qu'on peut avoir, hein, de ce travail émotionnel qui est à fournir. Alors, juste sur le grain de sable, effectivement, je voulais terminer un peu là-dessus, puis j'ai un peu écourté, mais... Les émotions rebelles. Hmm? Les émotions rebelles. Mais c'est que quand même, malgré tout, hein, elles surgissent là où on ne leur a pas demandé de figurer. Hein. C'est-à-dire que la peur, typiquement, qui est quand même présente dans beaucoup de métiers, hein, qui peut être des peurs d'ordre extrêmement varié, hein, mais la peur de se tromper, la peur du nucléaire, la peur de plein de Voilà, et ça, personne n'a demandé d'être là, hein, et elle est là, la peur. Enfin, donc il y a des émotions qui sont là, donc elles sont rebelles dans ce sens-là, c'est-à-dire que elles sont par définition incontrôlables, elles sont par définition, voilà, c'est de l'ordre du surgissement, et donc elles échappent toujours quand même à la prescription. Elle se laisse pas totalement contrôler, c'est-à-dire que ça ressurgit. Alors là, ça peut être chez les femmes, des ouvriers, ça peut être... mais voilà. Donc il faut, elles sont quand même, il faut quand même faire avec. Elles sont quand même là. Et donc moi, ça me donne quand même un espoir malgré tout. Et effectivement, il me semble que une reconnaissance plus importante de la dimension affective du travail. Ben, peut permettre de faire son travail avec plus de considération pour les implications, pour les effets que ça a sur les autres, etc. Enfin, en intégrant plus l'acte de travail dans la situation complexe hein, et plurielle dans laquelle elle s'inscrit, dans laquelle ce travail s'inscrit. Donc de considérer plus de paramètres et puis de prendre en compte aussi il y a tout un tas d'émotions hein, qui peuvent amener à contester une organisation, un système, le sentiment d'injustice, la colère, y a effectivement des pistes qui sont qu'on donnait lieu à des choses, notamment Emmanuel Renaud qui peut travailler un petit peu sur ces questions-là. Ça peut fédérer, ça peut mobiliser hein, ces émotions des gens qui travaillent, qui forment un métier ou qui sont dans une même organisation. Voilà, maintenant c'est. Alors, et puis ça rejoint l'étymologie là encore. Enfin, c'est pas l'étymologie, mais l'histoire du mot même émotion, en fait. Hein, c'est la même racine qu'émeute. Hein, donc, il y a un lien. Bon, alors après, effectivement, sur le terrain, les choses sont pas. ne prennent pas vraiment cette voie-là. On peut pas dire qu'il y a beaucoup de ça fédère énormément, mais en tout cas, c'est une piste. J'avais une question, c'était de savoir s'il y avait des travaux plus spécifiques qui ont été faits sur le fait qu'il y a des identités collectives, il y a des métiers, et sans doute à ces identités collectives, il y a des métiers, sont associées des émotions, qu'on pourrait peut-être appeler des émotions collectives, ou en tout cas quelque chose qui fait partie du bagage associé au métier, et parfois même on peut avoir envie ou choisir de faire un métier pour les émotions qu'on peut lui associer. Et j'ai l'impression que tous les travaux que vous avez cités ou sur lesquels vous êtes appuyé, c'est plutôt des types d'émotions individuelles qui surgissent au moment où il y a quelque chose qui vient justement heurter, ou en tout cas faire dysfonctionner le type d'émotion qu'on associe au départ peut-être au corps de métier auquel on appartient. Donc est-ce qu'il y a des travaux comme ça qui ont essayé de mettre en balance émotions collectives liées à l'identité du métier, et puis les émotions individuelles, il faudrait renvoyer à quoi ? Du coup, à ces nouvelles formes de management, à une désorganisation de... Est-ce que ce n'est pas plutôt des conflits émotionnels qui sont finalement pertinents pour comprendre les affects au travail, plutôt qu'un type d'émotion ou de rapport émotionnel qu'on pourrait avoir par rapport à son activité. Enfin, c'est une question que je me posais. Je n'ai pas forcément bien compris la dernière question que vous posiez. Hein. Sur les conflits. Ouais. Ça découlait du reste, c'est-à-dire que si on a un certain nombre d'émotions qu'on associe à un type de métier, et que finalement on se trouve confronté à des émotions qui viennent perturber le rapport qu'on a à son propre métier, finalement c'est pas tant l'émotion en elle-même qu'on doit traiter que le conflit qu'elle engendre avec les autres types d'émotions qu'on voulait qu'on pensait pouvoir vivre dans son travail, hein, quelque chose comme ça. Ouais. Peut-être, c'est vrai, j'ai pas appris les choses cette, hein, mais c'est intéressant de les reconsidérer comme ça. Alors, en même temps, c'est vrai que j'ai pas du tout rencontré de travaux qui dépeignent des métiers comme ça, à partir d'une palette d'émotions qui iraient bien avec une fonction en particulier, mais bon, de façon implicite, si on pense aux infirmières, de toute évidence, On voit bien que il y a des émotions qui sont associées, mais je sais pas quoi penser de cette façon de ça, ouais. Des infirmières, par exemple, souvent les types de plaintes qu'on entend, c'est plutôt de dire qu'on les associe à des actes techniques de soins qui leur laissent plus le temps de vivre un autre type de relation aux patients. Donc là, il y a un conflit. Alors soit on est motivé par le fait de faire le maximum d'actes dans la journée technique, qui ont été calculés par d'autres gens que par soi-même ou par le corps d'infirmière auquel on appartient. Soit, et donc ça c'est un type d'émotion particulier qui est à mon avis pas forcément très compatible avec l'émotion qu'on recherche quand on est infirmier, l'émotion de rentabilité, de prouesse technique pure ou quelque chose comme ça, il doit y avoir des émotions associées à ce genre d'activité. Soit, justement, on n'est pas attaché à ce type d'émotion-là et donc, du coup là on se retrouve, la gêne, le type d'émotion négative qu'on va ressentir, elle vient de ce conflit entre... Je pensais à ça aussi parce que finalement, je m'attendais à des interrogations du type de celles que pose aussi Gordon dans son livre sur servitude, désir, servitude, capitalisme. Essayer de comprendre aussi quels sont les types de désirs qui animent dans le capitalisme. Et est-ce que ces désirs-là, ils sont transposables à toutes les sphères d'activité ou pas ? Non, c'est intéressant. Je sais pas. Ça me semble quand même un petit peu réducteur de réduire. Enfin, quand même dans l'exemple des infirmières, en fait, une recherche d'émotions qui serait contrecarrée par des objectifs organisationnels différents et là plus techniques, plus productifs. Il me semble que la plainte, effectivement, qu'elles peuvent manifester, c'est de ne pas avoir assez de temps pour ce qui fait sens dans leur activité, c'est-à-dire de soigner, d'être auprès des patients. Mais je ne sais pas si on peut le traduire comme ça, dans le fait qu'elles recherchent certaines émotions qu'elles auraient. Ça me semble, du coup, chanter, en fait, un raccourci un petit peu, c'est-à-dire du coup on voit plus l'activité elle-même, le sens de leur métier, toute cette construction là, si on attrape trop vite en fait la question de l'émotion et de ce que elle pourrait rechercher, je sais pas moi si vraiment on souhaiterait, si ça peut être une motivation pour faire un métier que de rechercher certaines émotions. Enfin, ça me semble une façon de poser les choses c'est un déplacement intéressant, hein, mais qui du coup fait l'économie du sens du travail et de l'activité elle-même, du travail lui-même. Je sais pas, mais je réfléchir à ça parce que. Du coup, les infirmières rencontrent d'autres émotions, et c'est bien parce qu'elles rencontrent d'autres émotions qui sont dérangeantes qu'elles se plaignent. Enfin, il me semble que c'est pas parce qu'elles manquent d'émotions positives, je sais pas, d'émotions. C'est parce que elles ont effectivement ce sentiment de pas faire le travail qui est au cœur de leur métier, en fait. Hein. Et c'est cette insatisfaction, cette frustration et cette sentiment de mal travailler qui me semble être quand même au cœur de leur plainte. Autant moi, je trouve que les émotions sont vraiment une clé très importante pour comprendre ce qui se joue au travail, autant je pense pas que ça puisse être une grille de lecture qui soit suffisante, c'est-à-dire que je sais pas si on peut avoir conflit d'émotions, par exemple. Enfin, je suis pas sûre. Moi, je pense qu'il y a, en fait, je sais pas, j'aurais une conception qui aurait la place pour toutes les émotions. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on développe certaines émotions qu'il n'y a plus la place pour d'autres. J'ai pas cette conceptualisation de quelque chose comme ça d'un petit peu fini. Je pense pas que ce soit la question. D'un conflit et de place trop importante pour certaines ou pour d'autres. Je pense que la dynamique émotionnelle, Enfin, je la vois pas se poser en ces termes-là, mais effectivement, enfin, c'est intéressant de le prendre en considération et de raccorder ça effectivement avec la question de l'ordon, à cause de l'ordon sur aussi l'alignement des désirs. Est-ce que donc il y a, oui, un alignement des émotions, ça c'est clair. Il y a en tout cas une conformation des émotions, ça c'est. Enfin, en tout cas, c'est certainement vrai, à la fois par le travail, par les médias, par, hein, ça c'est un... Mais en même temps, il y a la place pour plein d'émotions. Même si certaines vont être évidemment privilégiées, hein, dans le productif, et d'autres vont être malvenues, hein, vont être écartées, donc pas... Mais voilà, merci pour cette remarque. Bien. Non, c'était plus un commentaire dans la discussion, plus une question en fait. Il me semble que, pour répondre à la dernière question, puis après sur la question juste avant, on peut peut-être pas trop penser qu'il y a des identités collectives de métiers qui sont reliées à des émotions. Peut-être que les sportifs se lancent dans le sport pour la joie de gagner, que les infirmières se lancent dans les activités de nursing pour le plaisir de soigner, et dans tous les métiers on peut retrouver le désir de bien faire son travail. Et ensuite il peut y avoir ces conflits émotionnels, mais ça va être dur de dépeindre un métier uniquement sur cette base. Je crois que c'est votre réponse. Uniquement à partir de là, on peut associer peut-être certaines émotions à identité. Je ne pense pas avoir... D'accord, j'ai mal exprimé, mais on peut réduire toute l'identité aux émotions... Mais peut-être que finalement vous n'étiez pas si proche. On ne peut pas s'y éloigner, pardon, au niveau de. Non, mais effectivement, enfin, en plus, enfin, là, sur la question, donc, il y aurait un peu une palette, enfin, des couleurs émotionnelles en fait, enfin, par rapport à des identités de métier. En même temps, oui et non, enfin, sans doute, certainement, mais en même temps, enfin, l'expérience du travail, c'est aussi que. Enfin, c'est ce que Hughes aussi a décrit quand il parle, enfin non, ça c'est Strauss, de passer à travers le miroir en fait, hein, c'est que en fait, c'est pas du tout ce qu'on attendait en fait, hein, je veux dire, on a toujours une représentation d'un travail, d'un métier, et quand on le pratique, soit même quand on devient un professionnel, on fait justement l'expérience que c'est pas ça, hein. Donc c'est très, du coup, et je pense qu'à chaque fois la palette elle est quand même extrêmement différente. Il y a ce qui symbolise le métier, et donc effectivement on va pouvoir mettre en avant, mais c'est plutôt des espèces d'idéaux du métier, justement des espèces d'images aussi, de façades et de mais après dans l'effectuation d'un travail traversé par tout un tas d'émotions qui vont dans tous les sens, enfin je veux dire qui sont des émotions plaisantes, déplaisantes, etc., et qu'on n'attendait pas. Et ça, effectivement, alors ça va différer selon les activités, puisqu'on voit bien que c'est évidemment pour l'exemple de la peur, elle va pas être la même, et elle va pas avoir la même intensité sur les métiers, ça c'est très clair. Et en même temps, ça va aussi énormément dépendre des contextes organisationnels, peut-être encore davantage. C'est-à-dire que si, voilà, si c'est une organisation qui fonctionne bien, s'il y a des collectifs de travail, s'il y a des collègues qui sont soutenants, je vais pas du tout vivre les mêmes émotions et de la même façon que dans d'autres contextes de travail, même avec un même métier. Donc, pour ça que c'est effectivement je pense qu'il y a un risque de tirer les choses de façon trop univoque, en fait, hein, même si, effectivement, il y a cette coloration-là, quand même, certainement. Oui. Moi, je voudrais t'interroger sur ta généalogie des différents travaux sur ce sujet du travail, neutralisant l'émotion ou la mettant en scène, pour après affiner là où est typologie. Parce que tu as raison sur le rapport principal, le sujet du travail, les 60-70, dans les grandes organisations, style Crozier, neutralise l'émotion, mais pour des raisons à expliciter, et cela je vais enrichir. Parce que tu vas chez Friedman, le travailleur miette. Il y a de l'émotion, mais au centre, le travail où on s'accomplit comme œuvre, comme artisan, se décompose. Et la suite du travail orthodoxe, même post-orthodoxe, reproche à Friedman de mettre trop de pathos. Tu vois Renoir, la bête humaine, qui est une version de Zola, dans ses années 30 plutôt, Bon, t'as ce que tu as dit, quoi. La mort au travail, le destin, comment on peut surmonter le destin avec quelle catégorie, genre. Là, il y a trop de pathos, quoi. Donc, il y a quand même dans l'idée, classe moyenne universitaire, que le travail ouvrier, c'est trop de pathos, et que la routine sécurise tout le monde, finalement. L'employé, l'employeur et la classe moyenne. Et là, je voudrais mettre en exergue un ouvrage qui est un peu décalé, mais qui est assez cynique, Hannah Arendt, sur la vie active. C'est des textes des années 50-60. Elle interroge la notion de vie active, donc pas uniquement le travail, mais le rapport au travail, justement, chez l'artisan, chez l'ouvrier où c'est en miettes, ça décompose, il y a une neutralisation, on fait le travail en aveugle. Et puis, elle se pose la question, est-ce qu'il y a d'autres métiers, d'autres figures où il y aura encore l'investissement? Donc, chez les créateurs, les intellectuels, oui. Là, il y a de l'implication, il y a de l'émotion, mais qui est catégorisée d'autres catégories, comme création, innovation, investissement. C'est un texte des années 60, à l'époque où monte la neutralisation binationnelle, tu vois. Donc, la notion de vie active me paraît plus riche quand le travail est neutralisé, quand les émotions sont neutralisées dans l'organisation. Et après, on le retrouve aujourd'hui à travers les travaux que tu as dit sur le travail flexible, le travail au service. Quoi. Mais alors, à ce moment-là, je pousserai l'hypothèse en disant c'est avec la montée de la grande organisation, Dornheim, Weber, Crozier, Touraine, qu'il y a une injonction à neutraliser le travail. Alors. Tu vois. Et peut-être même dans la construction des enquêtes. Je réfléchissais, Crozier, les employés de bureau, l'enquête. Hein. Donc, c'est des employés dans des caisses, des allocations familiales, tout ça. Ils ne se posent pas trop la relation au client, ça c'est. Mais les grandes catégories de l'époque, c'est est-ce que c'est vous allez au travail pour avoir un statut ou pour réaliser une inscription d'achievement. Et puis après, ils commencent à poser la question de la routine. Donc c'est quand même lié à la montée de la grande organisation. Alors ton exposé a quand même mis en œuvre que c'est avec la sortie de la grande organisation, le travail flexible, que là l'émotion revient de manière plus légitime à travers les catégories que tu as dit. Quoi. Donc tu vois, c'est mettre plus en historique. Donc moi, ma question, là, au final, c'est la typologie, c'est le travail émotionnel prescrit, le travail émotionnel non prescrit, avec le côté souffrance et conflit intériorisé. Est-ce que tu as un troisième terme dans les catégories, tu vois? Parce que moi, j'aurais tendance à typologiser encore plus les émotions liées à la dynamique de la vie active, entrer et sortir du travail, composer travail hors travail. Les émotions dans le travail de grande organisation, les cas, toute cette neutralisation. Mais alors, pour mettre en relief, je sais plus si tu as des idées. Je dois aller court ou... Parce que dans le travail assujetti, notamment le travail flexible, il y a des questions qui marchent bien. Moi, je recours à Hirschman, c'est Exit, Voice and Loyauté. Tu fais le travail par loyauté, t'es pas d'accord, tu sors ou tu protestes. Si t'es un collectif, c'est un schéma trinitaire un peu simpliste. Et sur le travail flexible, ça marche, dans mes yeux. Si t'es pas d'accord avec le job qu'on propose, qu'il soit prescrit ou pas prescrit, émotionnel, tu sors du boulot et tu fais une déprime, tu te sors en cache-chômage. Tu as ces pratiques-là au quotidien. Alors que si tu es un exercice de loyauté, un grand cadre, c'est plus difficile de faire ça. Sur des déprimes médicalisées avec la signature du médecin. Donc la gestion des conflits au pouvoir n'est pas la même entre et leur expression émotionnelle. Le rapport à la loyauté n'est pas le même pour le cadre de travail précaire. Donc là, tu as deux dynamiques émotionnelles à décoder en plus. Donc, est-ce que ta typologie, c'est que les deux figures que tu as dites, travail prescrit émotionnel, travail non prescrit, donc souffrance au travail et dynamique émotionnelle, conflit émotionnel intériorisé, ou est-ce qu'il y a d'autres catégories qui sont en émergence? Bah écoute, ouais, il y a... En fait, je sais qu'il y a un truc qu'il faut que je creuse, en fait, hein, que j'avais déjà pointé dans mon premier article sur les émotions, qui est le statut, en fait, des émotions, mais je ne l'ai pas... C'est-à-dire que... Je ne l'ai pas redit ici, mais... Bah, c'est les émotions comme sujet, hein, enfin, je l'ai un petit peu pointé, mais... qui font agir, en fait, hein, comme objet... Comme objet aussi de travail, travail sur ses émotions ou sur les émotions des autres, dans l'influence des émotions des autres. Le travail, enfin les émotions comme instrument, comme levier, comme voilà. Et puis puis évidemment les émotions comme marchandises, hein, comme bien qui s'échangent, et la critique d'Hochschild aussi sur ça. Donc il y a la question du statut des émotions, hein, qui mais donc effectivement il y a en tout cas ça, les émotions prescrites et les émotions qui ne le sont pas, hein, qui a un grand découpage, mais ensuite une pluralité de façons de considérer les émotions au travail, hein, et leur fonction, leur statut, leur place. Et donc voilà, il faudra que je recreuse, il faudra que je relise un petit peu et que je creuse un petit peu voilà, ces différentes manières de concevoir les émotions. Tu as annoncé comment les émotions se rencontrent dans les dynamiques émotionnelles. Tu avais annoncé comme potentialité comment les émotions se composent, les émotions simples, comment ça se compose. Donc ça introduit des dynamiques émotionnelles. Quoi. C'est les émotions secondaires, elles se composent, tu veux dire, plusieurs émotions qui peuvent en donner une troisième par composition, c'est ça? Voilà, ça fait une palette et ça fait une vécu. Après, on est plus ou moins sujet de le mettre et ça donne une couleur au travail. Ou au pouvoir, ou à la situation. Mais tu avais une question de après, on. Une question de vraiment de néophyte sur ce que vous entendez, peut-on par contrôle des émotions? Est-ce que ça s'exprime de la même manière? Est-ce qu'on entend à chaque fois la même chose? Par exemple, quand une injonction à contrôler ses émotions pour l'acteur, est-ce que c'est vraiment, par exemple, ne pas sentir une émotion ou seulement ne pas l'exprimer? Et par exemple, ça c'est peut-être ça pour laquelle vous comprendrez que l'acteur vit son métier plus facilement que le vendeur, qui lui, par exemple, il aurait peut-être l'injonction de vraiment ressentir des émotions qu'on lui demande d'exprimer. Et encore même pour le vendeur, on pourrait penser qu'il y a deux types de contrôle, c'est-à-dire que par rapport au client, il devra faire semblant d'être content, et par rapport vis-à-vis de son patron, là, il devra vraiment être effectivement reconnaissant. En tout cas, il ne faudra pas que le patron se rende compte qu'il joue un rôle et qu'il cache ses émotions. Et même pour l'exemple de l'ouvrier que vous aviez donné, il me semblait que le contrôle de l'émotion est un peu est pas si simple que ça. Parce que il me semble que l'ouvrier, il ne veut pas seulement ne pas avoir peur. Il doit ne pas avoir peur tout en sachant qu'en fait, il faudrait qu'il ait peur. qu'il doit faire montre de courage et de virilité. Il faut qu'il n'ait pas peur tout en se rendant compte que n'importe qui d'autre pourrait avoir peur. Son absence de peur, elle a de sens que par rapport à la peur de sa femme, qui elle, effectivement, se retrouvait sur un échafaudage, aurait peur. Mais je ne sais pas si ce rapport au contrôle est si simple que ça. Il faut qu'il se rende compte que oui, s'il était quelqu'un de pas courageux, il aurait peur, mais en fait, il n'a pas peur. Et que même si vous parliez de cette configuration de la réalité, cette perception de la réalité qui fait qu'on doit se représenter. Le chantier comme un lieu où il n'y a pas de danger, je pense que s'il n'y avait vraiment pas du tout la conscience du danger, il n'y aurait aucun intérêt à ne pas avoir peur. Donc j'ai l'impression que c'est un peu plus complexe que ça, en fait. Même dans le cas de l'ouvrier, la question du contrôle des émotions est un peu plus complexe encore ici. Enfin, la question n'est pas claire. Mais... Oui, non, mais la dynamique défensive, hein, qui est vraiment une dynamique psychique, où il y a vraiment du déni, donc on sent psychanalytique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un échafaudage, hein, et c'est pas parce que c'est seulement des ouvriers du bâtiment, mais qui est construit pour justement parvenir à être convaincu de ce dont on a besoin d'être convaincu pour que ça tienne, en fait. Hein. Donc effectivement, mais donc il s'abrique tout un truc, c'est-à-dire quand on écoute leurs paroles, en fait, hein, c'est... parce que les psychologues, les ergonomes, hein, qui leur posaient des questions, mais vous n'avez pas peur, mais là, alors ils les filmaient, en plus ils les filmaient, les types, ils passaient sous des trucs, enfin bref, ils faisaient des trucs risqués, mais là, vous disiez que vous ne faisiez jamais ça parce que c'est dangereux, mais là vous le faites. Ah non, mais là, c'est pas pareil. Alors, chaque fois, il y avait quelque chose, hein, et donc, non, mais alors, mais vous n'avez jamais rencontré, enfin, évidemment, tous en plus, ils connaissent quelqu'un qui s'est fait très très mal, ou qui est mort, enfin, c'est le métier où on meurt le plus au travail. Donc c'est vrai que c'est compliqué de nier le danger, hein, ça, vous avez raison, mais quelque part ils le savent, hein, quelque part. Mais le problème c'est ce quelque part-là. Voilà, il y a un désaménagement assez puissant pour justement que ce quelque part-là, il se taise. Donc c'est à la fois une évidence et à la fois tout le travail psychique consiste à nier cette évidence-là. Donc voilà, donc en disant, ben oui, non mais... Moi, ça fait longtemps, ça fait 10 ans que je travaille. Pour moi, c'est pas dangereux. C'est peut-être dangereux, mais effectivement, pour moi, ça l'est pas. C'est quand même de dire que j'ai pas peur. Ah bah oui. D'autres auraient peur à sa place. Oui, bien sûr. C'est un petit danger, mais bien sûr, d'autres pourraient avoir peur, bien sûr. Mais moi, j'ai pas peur, parce que moi, voilà, j'ai une compétence, je suis courageux, parce que je fais attention, parce que voilà. Après, il y a tout, on se donne tout un tas de justifications pour. Donc c'est tout. Alors bon, tout un processus psychique là que les psychologues, les psychanalystes décriraient beaucoup mieux que moi, bien sûr. Donc, mais c'est différent. Le contrôle des émotions dans d'autres métiers où il s'agit pas d'une stratégie défensive et donc d'une construction, mais où c'est un travail. De cacher ou d'exprimer certaines émotions. Et là, le contrôle des émotions, je renvoie toujours à Ocha, elle dit qu'il y a deux niveaux, effectivement. C'est-à-dire que c'est l'expression, hein, qu'on va, par exemple, cacher, ou qu'on va exprimer des choses parce qu'on sait qu'il faut l'exprimer. Mais le problème, c'est que d'en rester uniquement à l'expression, ça a un coût, c'est fatigant. Hein, et qu'il y a une façon en fait un peu plus économique finalement, c'est de le ressentir en fait, hein, et donc au lieu d'être tout le temps dans la grimace en gros, hein, ou dans la feinte, à un moment donné, ou dans certains cas, ou certaines personnes, après je sais pas, voilà, ça sera un truc aussi à affiner, mais on peut opter pour le fait de ressentir, ou à la longue peut-être, hein, on finit par ressentir ces émotions là qu'il faut qu'on exprime. Parce que c'est plus simple. Hein. Et donc là, c'est le travail profondeur. Et bon, mais elle dit, bon, aussi, elle fait référence au travail du comédien. Il y a plusieurs façons aussi d'être comédien. Hein, la façon classique, effectivement, on exagère aussi les expressions, des émotions. Et puis dans des versions plus acting, machin, là, acteur, truc, c'est. On essaie de les ressentir vraiment. C'est-à-dire, on pleure pour de vrai, parce qu'on pense à des situations où on est vraiment triste et qu'on les met en scène à ce moment-là, et on les ressent, ces émotions. Donc voilà, il y a ces deux niveaux-là. Alors moi, j'ai une question plus empirique. Je me demandais, en fait, comment vous, dans votre travail de terrain, vous observez les émotions? Parce que justement, vous avez rappelé qu'une des critiques... Qu'une des réticences de la sociologie à aller du côté des émotions, c'était qu'au départ, on pensait qu'on ne pouvait pas les observer, que c'était de l'ordre d'un discours très subjectif, de l'intériorité, etc. Moi, je connais rien, sauf un tout petit peu Collins en sociologie des émotions, et justement, lui, il a un parti, il s'appuie sur Ekman, et il a un parti pris finalement assez... objectiviste, puisqu'il considère que, alors pour lui moi je trouve ça assez intéressant parce que du coup il observe les émotions en situation et il se pose pas du tout la question de ce qui l'intéresse c'est pas de raccrocher des émotions à des sujets mais de voir comment les dynamiques émotionnelles produisent des logiques interactionnelles ou de la violence et du coup en fait la question que je me posais c'est si on refuse un parti pris objectiviste sur la lecture des émotions, c'est-à-dire un peu en partie pris à la Collins, où on va dire en fait, il y a en fait des émotions types qu'on peut repérer sur des images, sur des films, etc. Si on refuse ça et en même temps qu'on ne veut pas basculer dans un parti pris uniquement subjectiviste, internaliste, du coup, comment on fait pour observer des émotions? Est-ce qu'on se réfère uniquement au discours des acteurs et donc de la manière dont ils vont faire le récit de leur. Expérience émotionnelle ou alors est-ce que vous en sociologie du travail vous avez élaboré des outils en fait qui essaient de se situer entre qui conserve en fait un parti pris contextualiste, situationnel, mais en même temps qui essaie de, peut-être de répondre aux objections qui ont pu être adressées à Collins. C'est une bonne question. Je peux pas vraiment y répondre. Parce que... pas vraiment répondre parce que alors, moi, en fait, quand j'ai fait mon travail de thèse, donc j'ai procédé par entretien, donc entretien biographique et puis entretien sur le travail, en situation de travail, et puis par observation de type ethnographique assez longue. Et donc voilà, ça croisé, ces deux méthodes croisées. J'ai pu accéder à, je pense, à des, voilà, à un rapport au travail où la dimension subjective, émotionnelle était présente, c'est-à-dire que je l'entendais, je la voyais. Voilà, c'est une démarche inductive pure. J'ai pas du tout fabriqué d'outils, j'ai pas du tout conceptualisé effectivement une méthodologie particulière. Donc ça, c'est quelque chose peut-être lors d'un retour sur d'un prochain terrain. Que j'essaierai de systématiser un petit peu, en tout cas de voir comment on fait effectivement avec les émotions qui s'expriment, qu'est-ce qu'on en fait. Moi, je me suis beaucoup attachée effectivement au sens qui était donné, à la façon dont les gens parlaient de leur travail. Et voilà, donc c'était effectivement beaucoup par la parole, parce que je pouvais observer aussi hein, des attitudes, comment il faisait en situation aussi avec certains clients, avec d'autres. Enfin, donc ça a été voilà à force de recueils assez nombreux en fait de données que j'ai pu relever des choses hein, sur cette question du service entrait en résonance avec une conception du travail, avec des éléments aussi biographiques et comment. Comment il gérait ça, c'est-à-dire comment il faisait en situation, c'est-à-dire les choix qu'ils opéraient aussi pour éviter certaines situations, pour au contraire se trouver dans d'autres, hein. Par exemple, voilà le fait que il y a certaines activités qui vont de façon générale, hein, qui vont être plusieurs à faire et d'autres à ne pas faire, qui va marquer une frontière entre rendre service et servitude. Qui rejoint par exemple les propos d'André Gorz quand il dit ben voilà, enfin, le fait de déléguer un travail, hein, si je délègue un travail que je ne sais pas faire, hein, bon, ben, on est dans le service, hein, si je délègue un travail que je sais faire, là on est dans autre chose, on est dans la servitude. Et les guichetiers, c'est exactement ce découpage-là. Donc, bon, mais moi voilà, je l'ai retrouvé par une démarche inductive, c'est-à-dire que j'ai observé que par exemple remplir un formulaire. Administratif, donc c'est pas leur boulot, hein, ils donnent le formulaire et le récupèrent rempli. Ils le font dans certains cas, hein, quand c'est un client analphabète, ils le font, et ils le font tous et ils le font tout de suite. Et ils ont, voilà, ils n'attendent pas qu'on les remercie spécialement. Enfin bon, c'est le sens de leur travail qui est là, c'est rendre service à ce moment-là. Ben, c'est pour ça, il n'y a aucun problème. Autant le client qui, lui, sait très bien écrire, etc., mais qui juste ne veut pas le faire, ne veut pas daigner le faire, qui leur demande un air supérieur, remplissez-moi ça. Là, c'est clairement non. Et c'est, je vous prenez un stylo, vous allez le faire dans un coin, mais puis vous revenez me voir plus tard. Et là, c'est très très ferme, parce que voilà. Et donc, voilà, donc c'est là. Moi, j'ai vu qu'il y avait un enjeu pour eux, donc à travers des micro-décisions, à travers des activités très très concrètes, très précises. Donc là, voilà, il y avait un truc qui était important. Et puis après, croisé avec des entretiens, j'ai pu élaborer, voilà, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas une méthodologie affinée vraiment là-dessus. Enfin, j'essaierai d'en poser une, si, même deux et demi, si je peux, si j'ai un peu de temps. Première question, c'est une question de méthodologie, en fait. Dans la troisième partie, dont vous avez retracé le parcours, et y compris un peu dans la première partie, d'ailleurs, concernant le statut de la sociologie des émotions, donc en allant de Durkheim à Mauss et de Mauss à Hochschild, il y a un point qui me paraît intéressant, quand même. Comment se fait-il que pas mal de ceux qui, y compris dans la sociologie américaine, d'ailleurs, s'intéressent à cette question de la sociologie des émotions, n'aient pas forcément penser à utiliser au fond le travail de Foucault là-dessus, qui me paraît quand même assez intéressant, parce que quelqu'un, alors je parle pas du biopouvoir hein, chez Foucault, mais quelqu'un qui a quand même travaillé sur le statut de la discipline, sur le problème du dressage moral, sur le problème de la surveillance, sur le problème de la stimulation des conduites, sur l'idée que le pouvoir est productif et pas seulement prohibitif. Donc il me semble qu'il y a toute une série de ressources, peut-être probablement au plan de l'éthologie, à utiliser pour ça, d'autant qu'il a travaillé quand même dans des champs aussi variés que le système scolaire, la prison, le système hospitalier, avec l'appendice de l'asile, etc. Donc il y a une série de ressources, d'instruments intellectuels, à mon avis, assez intéressants, qui pourraient assez facilement être mobilisés dans ce cadre-là, en les aménageant un peu, pour étudier au moins les technologies de production de la discipline et du coup là aussi des comportements prescrits et voir si ça s'applique aux émotions. Donc du coup ma deuxième question et demie qui est que finalement dans ce travail organisationnel, enfin dans cette structure organisationnelle des entreprises où finalement les émotions sont considérées comme à la fois comme des ressources productives et des ressources disciplinaires, ce qui est aussi quand même tout un mécanisme d'allégeance à l'égard de la hiérarchie qui fait partie du travail émotionnel. Donc on a une espèce de pouvoir doux qui s'exprime et qui fait que le contrat de travail, au fond, ça n'est plus la vente de la force de travail. Il faut changer de concept. C'est la vente d'une énergie désormais qui n'est plus seulement la force de travail, mais qui est une énergie qui inclut l'intimité, qui inclut toute une série de ressources qui préalablement ne figuraient pas explicitement dans le contrat. Alors que là, c'est quasiment donné dans le contrat de travail, il faut en effet produire ce genre de choses. Et du coup, c'est le problème de la prescription qui m'intéresse dans l'affaire. C'est-à-dire qu'en gros, si je dis à quelqu'un « craignez-moi », bon, il y a assez peu de chances qu'il me craigne ce que je lui dis « craignez-moi ». En gros, si j'ai les moyens de me faire craindre, je n'ai pas besoin de lui prescrire de me craindre. Bon, si je lui dis « craignez-moi » et que je n'ai pas les moyens de me faire craindre, ça ne sert à rien. De la même façon, je lui dis « aimez-moi », ça ne sert à rien non plus. Bon, je me fais aimer. Donc l'idée de la prescription émotionnelle, au fond, est un peu paradoxale. Parce qu'on a l'impression que la prescription par elle-même ne suffit pas à produire un travail émotionnel. Et Orchak distingue en effet deux aspects, et notamment, vous l'avez cité, le premier aspect qui est l'aspect superficiel, où je reçois une prescription, je vais jouer à, mais le fait de jouer à ne signifie pas que l'émotion existe réellement. Donc ce qui m'intéresse, c'est la question de savoir comment on descend jusqu'à ce niveau beaucoup plus fondamental de l'émotion, où ce n'est pas seulement le jeu, ou la grimace, ou le statut d'émotion prescrite qui joue, mais c'est la réponse émotionnelle effective. Comment on peut le faire sur la base de prescription. Et donc, comme sur la base de prescription, il y a peu de chances que ça marche, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser ou qu'est-ce qu'on utilise en général comme technique pour essayer de produire vraiment au-delà du jeu l'émotion effective qu'on puisse utiliser. Et alors, du coup, c'est là ma demi-question. Dans la mesure où les infirmières, par exemple, ne peuvent pas dire à leurs patients « Voyez comme je m'y prends bien avec vous, comme j'empathise avec vous, etc. » Mais de la même façon, enfin, la relation se réduplique avec la hiérarchie. C'est-à-dire que si les salariés perçoivent que la hiérarchie leur prescrit des émotions, c'est pareil que l'infirmière et le patient. Ils auraient tendance, en fait, à désamorcer, ou est-ce que c'est le cas, à désamorcer la prescription émotionnelle et donc, à se réfugier dans la récitation du rôle qui percevrait le fait qu'on veut leur faire jouer des émotions. Donc comment ça marche cet aspect de prescription émotionnelle et de la réussite de la prescription? Comment on s'y prend pour que ça réussisse? C'est des grandes questions, hein. Je ne pourrais pas tellement y répondre. C'est des questions vraiment intéressantes. Alors Foucault, oui, je l'ai rencontré, mais je ne pourrais plus vous dire où. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pensé... Mais je pense que certains travaux le citent, mais je ne sais plus... Voilà, je sais pas, en fait, qui... je n'ai pas essayé de pister. Mais il y a effectivement des parallèles intéressants à faire avec ce qu'il écrit. Et notamment, Dominique Mémy, par exemple, l'utilise beaucoup. Enfin, non, la question du corps et là, des pratiques corporelles... Donc, je pense qu'il y a effectivement, par rapport à la sociologie du corps, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être mobilisées. Et effectivement, oui, je pense que c'est des questions vraiment intéressantes hein, d'essayer de voir les techniques qui sont utilisées hein, pour effectivement avoir une réponse émotionnelle. Hein, c'est-à-dire que... Pas seulement... mais bon, après, je saurais pas, en fait, si c'est vraiment le but, c'est-à-dire que, finalement, est-ce que... le faux semblant, enfin le jeu superficiel ne suffit pas. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une réponse satisfaisante. Est-ce que bon, dans pas mal de situations, de prescriptions comme ça émotionnelles, finalement, est-ce que l'objectif, hein, c'est de toucher les travailleurs au cœur, en fait, hein, enfin, vraiment, ou est-ce que vraiment, c'est effectivement que ce qu'ils expriment, hein, corresponde à ce qui est demandé, point. Enfin, et donc, est-ce que c'est pas les salariés qui eux-mêmes vont plus loin parce que parce qu'en tout cas, c'est plus économique et c'est plus de ressentir ces émotions qu'on demande d'exprimer que de ne faire que toujours ce travail de d'exprimer et de jeu. Hein. Je sais pas. En tout cas, c'est vraiment. Chez Orchard, il y a même pas des exemples où justement, c'est parfois l'entreprise qui enjoint, parce qu'il me semble de donner des exemples à partir de certaines compagnies aériennes. Il y a cette idée que chez eux, le sourire, il n'est pas juste quelque chose d'artificiel ou quelque chose de peint sur le visage. Et on leur donne il y a des histoires de trucs aussi qu'on essaye de leur transmettre face, par exemple, aux clients qui seraient indélicats, qui réagiraient de façon complètement incontrôlable. Elles ont une espèce de séance de formation où on leur dit, par exemple, essayez de vous le représenter. Il y a des trucs qui se passent comme ça, on essaie de se le représenter comme un enfant. Comme un enfant qui réagirait de façon irrationnelle. Et on a l'impression qu'elle passe, en fait, on dirait qu'elle joue, enfin, dans ce qu'elle analyse, en tout cas, qu'elle joue sur, les deux registres, finalement. Il y a des phases où, par exemple, le seuil est atteint, et là, elle décroche complètement, donc elle se met un peu en pilotage automatique. Il y a des phases où elles essayent, justement, d'avoir une réponse émotionnelle, et d'autres phases qui peuvent être des phases dans leur carrière, où, par exemple, il y a un seuil qui a été franchi, une indélicatesse de trop, et là, tout d'un coup, elles sont dans une phase où elles vont être plutôt dans le pilotage automatique, où elles vont juste travailler sur l'apparence et plus sur la réponse émotionnelle, mais que c'est des séquences aussi, et qu'il y a aussi des espèces de travail de représentation qui parfois peuvent intervenir là-dessus pour faire jouer l'imagination et pour pouvoir provoquer la réponse émotionnelle plus profonde, mais en essayant de se représenter un peu ce genre de truc. Je ne sais pas si ça rejoint la question. Mais... En partie, oui. Ouais. En partie, avec toujours le problème de savoir dans quelle mesure, si on sait que c'est ça qui est attendu, ça ne va pas paralyser le mécanisme. C'est-à-dire que comment provoquer une réponse émotionnelle si je sais que je suis dans une situation où on attend que j'ai une réponse émotionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de savoir qui risque de paralyser En gros, c'est la même chose que l'infirmière. En gros, parce que si l'infirmière disait à son patient, vous voyez comme je suis aimable avec vous, j'empathise, ça casserait l'effet produit. En fait. Donc, il y a un effet essentiellement secondaire, pour le coup, comme dirait Elster, qui. La nécessité du travail indirect sur les représentants. Voilà, c'est ça. Alors, dans quelle mesure ça marche si on sait par ailleurs qu'on est en situation où on doit le faire, et où le fait qu'on doive le faire, finalement, risque peut-être de paralyser le mécanisme. Enfin, j'ai pas de réponse, hein. Je me pose simplement la question de savoir. En gros, puisque ce pouvoir-là va chercher jusque dans l'intimité, est-ce qu'il a le pouvoir justement de maîtriser, y compris ça, voilà. C'est un peu ça la question posée. Alors, partiellement, vous avez répondu non, évidemment, parce qu'il y a des émotions non contrôlables qui se produisent en fait en situation de révolte ou de burn-out, etc. Donc, on sait qu'il y a une large partie qui est la réponse de crise et donc ça, c'est pas maîtrisable. Mais je veux dire, même dans la situation dite normale, entre guillemets, est-ce que c'est maîtrisable? Voilà, c'est la question que je pose en fait. Et moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça doit largement échapper à ça et que, par rapport à ce que dit Orchard, on doit plutôt rester dans le mécanisme du jeu affiché beaucoup plus que de l'émotion effectivement produite. Enfin, il me semble que c'est plutôt ça qui doit fonctionner comme réponse dès lors qu'on sait que c'est ça qu'on attend. Voilà. Mais c'est une hypothèse. Hein. J'ai pas de réponse. Je suis content de poser la question. Mais je pense qu'il faut aussi distinguer sans doute les. Là, dans ce rapport au savoir, effectivement, qui nuit finalement au travail émotionnel, hein, les émotions qui sont en direction aussi des clients et ceux qui sont en direction de la hiérarchie, justement, du prescripteur, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup, on est beaucoup plus enclin à se conformer aux attendus émotionnels. Face à un client, face à un patient, etc. Même si on sait que c'est ça qui est attendu, ben on peut le faire volontiers ou essayer de le faire mieux qu'on peut, etc. Si on estime que c'est effectivement là que c'est situe le sens de son travail et que ça aide au travail. Enfin, je veux dire que c'est important dans le processus de soins, par exemple, de convaincre le client que voilà, qu'on est complètement avec lui, qu'on est, voilà, qu'on y croit, que je sais pas, enfin bon. Alors que vis-à-vis de la hiérarchie, être effectivement, enfin répondre à l'attente, pose, ça se situe, ça se joue totalement différemment. Mais il y a peut-être un niveau aussi qu'on oublie, c'est que aussi bien l'infirmière que l'hôtesse de l'air, c'est la gestion de ses émotions, entre guillemets, n'est pas simplement en rapport au client et à la hiérarchie, mais aussi à ses collègues. Et c'est là où vous faites intervenir l'identité collective ou quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que dans un avion, les hôtesses ou les stewards se regardent les uns les autres. Et ils savent que s'ils ne remplissent pas leur rôle comme il faut, c'est pas seulement eux qui se mettent en situation gênante, c'est aussi l'équipage. Et pour l'infirmière, c'est pareil. Si elle gère mal une situation d'infirmier, il y en a maintenant aussi, qui gère mal une situation de soins, c'est pas seulement lui ou sa hiérarchie ou le patient qui est concerné, mais c'est les gens qui sont ses égaux en quelque sorte et qui forment un collectif de travail. Enfin, il me semble que les émotions, elles sont à plusieurs. Oui, il y a du contrôle aussi latéral. Se compensent mutuellement, parce que là aussi, sur l'exemple des hôtesses de l'air, elle cite même des témoignages, il me semble, où il y a des exemples d'hôtesses qui lui relatent des tensions avec la hiérarchie, où elles disent « moi, je joue mon rôle face au client, mais alors par contre, une fois qu'on est finalement un peu, en quelque sorte, dans les coulisses de ça, enfin, elle s'auto... Elle, enfin, des cas où, justement, il y en a qui disent « mais bon, sorti de ça, j'ai le droit de dire ce que j'ai sur le cœur et de dire, justement, ce que je pense sans être dans ce travail de gestion. » Il me semble qu'il y a des exemples comme ça. On a l'impression que le fait de bien accomplir, justement, le travail face au client, de bien maintenir la bonne réponse ou alors la bonne façade, autorise à ensuite relâcher le travail émotionnel à un certain degré, en cas de tension ou en cas de désaccord. Il y a un peu une espèce de jeu sur ces différents registres. Oui, alors là, c'est les coulisses aussi par rapport aux scènes où on est vraiment en représentation. Ouais, mais où effectivement la présence des collègues aussi peut jouer dans plusieurs sens. Pour rajouter quand même un élément de conformation, de contrôle, ou un espace où là peuvent s'exprimer quand même des choses plus contradictoires, plus libres.